نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم مرة أخرى، ورحبوا بكم حياكم الله وبياكم. وقبل أن نشرع في الدرس إن شاء الله تعالى، لابد أن أسأل أولا، هل فيه صوت؟ هل فيه صوت؟ بارك الله فيكم. هل فيه صوت؟ نعم، الحمد لله، استغفر الله واتوب اليه. طيب، je demanderai à ceux inshallah ta'ala, je ne sais plus comment vous dire que Dieu ne peut pas venir aujourd'hui aussi, j'aimerais bien les avoir. نعم, si quelqu'un inshallah a enregistré inshallah ta'ala, qu'il les donne à celui qui n'a pas assisté hier, mais si quelqu'un qui enregistre aujourd'hui inshallah, qu'il les donne à ceux qui n'ont pas assisté بإذن الله سبحانه وتعالى. Je demanderai à mes frères qui ont occasion, j'ai enlevé le point rouge, de baisser leurs mains. بارك الله فيكم. De baisser leurs mains. أولا، ثانيا، de avant d'écrire quelque chose d'être très sûr. Avant d'écrire quelque chose inshallah ta'ala, d'être très sûr que c'est ça le voulu inshallah ta'ala. S'il y a d'autres qui veulent, je n'ai pas de mana. Yani, s'il y a d'autres qui veulent traduire avec nous, marhaban, je ne vois pas yani, quelque chose qui empêche. Hier, on avait parlé de ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. On avait parlé de usul al-fiqh. Ensuite, c'était yani, très important, et c'est tellement important cette matière qui s'appelle en arabe usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Usul al-fiqh, tellement elle est importante cette matière, que quiconque ne connaît pas cette matière, c'est pas la peine qu'ils disent je suis un talib ilm, et encore moins qu'ils disent je suis un savant. C'est impossible. Et autrefois on a dit man hurima al-usul hurima al-usul. Quiconque sera privé de usul al-fiqh, cette matière, sera privé de la réussite et de l'arrivée. Ça veut dire qu'il n'arrivera pas. Elle sera toujours en bas. Il sait que quelque chose est haram, quelque chose n'est pas haram, quelque chose est makruh, il sait, mais il n'a pas les bases. Puis il ramène un hadith ou l'akhlas, il est embrouillé, il ne sait plus ce qu'il dit. Pourquoi il n'a pas les bases? Il n'a pas les bases du fiqh, de la jurisprudence. Et hier, comme on avait fait un petit cours, avant le début, je voudrais maintenant, parce que peut-être qu'on ne va plus en reparler s'il n'y a pas l'occasion, je voudrais maintenant très vite, avant de rentrer dans le hadith, et très vite, Naam, Oumali, je vais vous dire ce que j'ai reçu, ce que je n'ai pas reçu. Donc très vite, je vais faire une révision, pourquoi? Parce qu'on va le faire pendant qu'il est chaud, parce qu'on a fait ça seulement hier, donc afin que ça s'ancre bien et que ça ne s'oublie pas, en même temps, afin que ça soit une révision pour vous, celui qui avait des doutes ou là, quand il entend la deuxième, inshallah ta'ala, il va, inshallah ta'ala, bien comprendre. Pour réviser, je vais lire ce que quelqu'un m'a envoyé, ce que une personne de vous m'a envoyé, je vais lire ce qu'elle a écrit, ce sera, inshallah ta'ala, ce sera la révision, inshallah ta'ala. Celui qui m'a écrit, c'est notre frère Tamallah qui est ici avec nous. J'ai choisi ce qu'il a écrit parce que c'était bien, yani, bien divisé. Il a bien divisé les choses. Ensuite, il a d'une façon, d'une partie, il a bien divisé de l'autre. C'est écrit comme ça, très clair. C'est écrit comme... Et troisièmement, parce que c'est plus juste. Parce que j'ai trouvé que sa réponse était la plus juste par rapport aux autres. Il a dit, le hukm dont on parlait hier, le hukm, ça s'appelle le hukm, le osolé, par les osolfer, il a dit, se divise en trois parties. Se divise en trois parties. Il a dit, Allah Azzawajal et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te demande soit, je crois qu'il a commencé bien divisé, hein, il te demande soit de faire une chose, un, ou bien de ne pas faire cette chose, deux, ou bien de choisir entre la faire et ne pas la faire, trois. Donc, chaque chose est divisée. Là, je lui te demande, et son prophète aussi se demande, ou bien de faire, un, ou bien de ne pas faire, deux, ou bien de faire ou ne pas faire, tu es libre, trois. Maintenant, il a dit, si l'Azzawajal te demande de faire cette chose, s'il te demande de faire, soit il insiste ou il n'insiste pas. Soit il insiste ou il n'insiste pas. Si l'Azzawajal te dit de ne pas la faire, soit il insiste, soit il n'insiste pas. Ou bien il te laisse choisir entre faire et ne pas faire. Regardez comment, c'est très logique, c'est très très logique. Ensuite, il a dit, premièrement, si l'Azzawajal te dit de faire cette chose, petit 1, il insiste. S'il te dit de faire, il insiste, ça s'appelle le wajib. Ça s'appelle le wajib. Lui, il a oublié de dire, ça s'appelle aussi le fard. Ça s'appelle le wajib, ça s'appelle le fard. C'est quoi le wajib? Il a dit, si tu fais le wajib, tu le fais en la cause d'Allah, tu as une récompense. Si tu ne le fais pas sans raison valable, tu as un péché, un ithm. C'est ça le wajib. Tu le fais. Tu le fais. En la cause d'Allah. Je dis bien en la cause d'Allah, pas à cause des gens, ou à cause du sport, ou à cause de la maladie. Tu le fais en la cause d'Allah, il te donne une récompense. Si tu ne le fais pas sans raison valable, car tu peux être malade, tu peux être, comment qu'on dit, mourmalé, tu peux être évanoui, tu peux être, moi je parle sans raison valable. Tu le fais pas sans raison valable, tu as un péché. Donc, s'il te demande de faire, il insiste. B, il te demande de faire, il n'insiste pas. Ça s'appelle le recommandé. Ça s'appelle le mendoub. Il n'a pas dit lui aussi, et beaucoup n'ont pas dit que ça s'appelle la sunna, ça s'appelle la nafila, ça s'appelle le surérogatoire. Ça, c'est quoi le mendoub? C'est le recommandé. Si tu le fais en la cause d'Allah, tu as une récompense. Donc ici, il ressemble au quoi? Il ressemble au wajib. Le wajib, si tu le fais en la cause d'Allah, tu as une récompense. Le mendoub, le surérogatoire, la nafila, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as une récompense. Et si tu ne le fais pas, même sans raison, tu n'as pas d'ithm, tu n'as pas de péché. Même sans raison. Par exemple, faire le jeûne lundi et jeudi. C'est seulement mendoub, c'est recommandé. Maintenant, je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire ni lundi ni jeudi. Je n'ai pas d'ithm. Alhamdoulilah. Pourquoi? Ce n'est pas un wajib. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose de recommandé. Sunnah. Sunnah, ce n'est pas wajib. Hadi, s'il insiste. Maintenant, si Allah Azzawajal te dit de ne. Deuxièmement. Maintenant, c'est deuxièmement. Si Allah Azzawajal te dit de ne pas faire la chose, on a parlé, s'il te dit de faire la chose, il n'insiste pas. Maintenant, si Allah Azzawajal te dit de ne pas faire la chose, s'il insiste, ça s'appelle le haram, l'illicite, illicite, c'est haram. Si tu le fais, comme Allah a dit, si tu le fais, tu as des ithms, tu as des péchés. Moi je dis, si tu le fais sans raison valable, car il se peut que tu fasses le haram, mais c'est plus fort de toi. On te pose un revolver dans la tempe. On te dit, tu insultes Allah ou je te tue. Ça, c'est, on m'a posé le revolver sur la tempe. C'est pas moi qui ai voulu faire le haram. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté, je lui corrige, je dis, sans raison valable. Donc, si tu le fais le haram, l'illicite, si tu le fais sans raison valable, tu as des ithm, tu as péché. Si tu le fais pas pour Allah, pour la cause d'Allah, tu as un ajr. Tu le fais pas. Est-ce que ce serait possible que quelqu'un écrive les mots et mettre la traduction sur le scanner? Est-ce qu'il parle par la cloche? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire cela, premièrement, et si ce quelqu'un ne se trompe pas, car s'il dit quelque chose à la place d'un autre, on rentre dans une mouchkila. Naam, si vous voulez, déjà, Inch'Allah Ta'ala, je répète, Inch'Allah Ta'ala, faites des doigts pour que le site soit pris. Quand le site soit pris, vous trouvez le dars, vous le trouvez écrit. écrit là-bas le dars, ou bien vous le trouvez dans une cassette pour l'entendre. Vous le trouvez ou bien écrit ou bien dans une cassette, inshallah ta'ala, pour l'entendre. Maintenant, si Allah Azza wa Jal, pourquoi j'ai dit ici, en ce qui concerne le haram, j'ai dit, si tu ne le fais pas pour Allah, tu as un ajr. Le haram, si tu le laisses, tu as un ajr. Mais à condition, tu le laisses pour Allah. Si quelqu'un dit, demain je vais voler la banque, c'est haram. Maintenant, en allant, en marchant direction vers la banque, il trouve qu'elle est fermée. Il revient à la maison. Est-ce qu'on peut dire que celui-là a laissé le haram? Il ne l'a pas laissé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le faire et il n'a pas pu. Donc le haram, c'est lorsque tu le laisses en la cause d'Allah. Tu dis, demain je vais voler la banque. Demain je vais voler la banque. Ensuite la nuit tu réfléchis. Tu dis, astaghfirullah, ma'adallah, qu'est-ce que je vais faire? C'est haram et tu ne le fais pas. Dans ce sens, il te donne quoi? Il te donne le hajj. Quelqu'un a, astaghfirullah, il a un rendez-vous avec une femme pour le haram, astaghfirullah. Ensuite la nuit, il sent un pincement dans son cœur. Comment je vais faire cela? Ça c'est le haram. Ça, Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas ici. Ensuite il se dit, ma'adallah, moi j'annule, je ne vais pas. Voilà quelqu'un qui a du hajj. Pourquoi? Il l'a laissé en la cause d'Allah. Mais si c'est elle qui lui téléphone, elle lui dit, demain je ne peux pas venir ou je ne suis pas là, celui-là c'est comme s'il avait fait la zina. Regardez, seulement avec l'intention, c'est écrit en Allah Azza wa Jalla qu'il avait fait la zina. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu de sa part, c'est venu quelque chose de qui le dépassait. Maintenant, il reste une chose, le haram maintenant. Donc, on parlait du haram, c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a dit de ne pas le faire avec insistance. Maintenant, s'il t'a dit de ne pas faire une chose sans insister, ça s'appelle le makruh. Il t'a dit ne fais pas, mais sans insistance. Si tu ne le fais pas, le makruh, tu ne le fais pas en la cause d'Allah, tu as des hasanats, tu as des bienfaits, tu ne l'as pas fait en la cause d'Allah. Si tu le fais, le makruh, même sans raison, tu n'as pas d'if, tu n'as pas de péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit, c'est seulement makruh. On avait parlé de la tête découverte dans la salat en ce qui concerne l'homme. Troisièmement et dernièrement, si Allah Azza wa Jalla te laisse choisir entre faire et ne pas faire, ça s'appelle le permis. Ça s'appelle le moubah. Ça s'appelle le permis. Ça s'appelle le moubah. Et le permis, si tu le fais ou tu ne fais pas, tu n'as rien. Tu le fais. Tu n'as pas de hajj, de hasanat. Tu le fais pas, tu n'as pas de ithm, tu n'as rien. Sauf si tu le fais avec une bonne intention. Ça veut dire l'intention de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas, tu as un ajr. Exemple, manger. Manger, c'est permis. Si tu manges, tu n'as pas de hasanat. Et si tu ne manges pas, tu n'as pas de siyat. Sauf si tu veux te suicider, tu ne manges pas jusqu'à la mort. Là, bien sûr, tu t'es suicidé. Mais s'il y a une pomme devant moi, je ne veux pas la manger, j'ai pas de ithm. Et si je la mange, je n'ai pas un ajr. Mais maintenant, si tu la manges, c'est-à-dire tu fais le permis avec l'intention de plaire à Allah. Par exemple, tu dis, moi je mange, pourquoi? Pour que j'ai de la force pour faire par exemple la prière la nuit. Je mange, quand je suis faible, je vais manger, comme ça je vais devenir fort. Et la nuit, inshallah ta'ala, je vais faire la prière. Donc là, tu vas avoir un ajr pour avoir mangé la pomme, etc. Pourquoi? Parce que tu l'as mangé pas dans le sens et le but de la manger, mais il y a derrière le manger, il y a l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il a dit, pour terminer, il a dit le wajib se divise en 4 ou 5 sortes. Nous, on a parlé de 2 sortes. Premièrement, le wajib, l'obligatoire, se divise en obligation personnelle et obligation de groupe collective. Il y a l'obligation personnelle, c'est par exemple comme la salat, tu ne la fais pas, tu as des péchés. Pourquoi? C'est une obligation personnelle que chacun doit faire. Le siyam, le jeûne du ramadan, aller à l'hajj si tu as de l'argent, faire la zakat si tu as de l'argent, c'est une obligation personnelle. Quiconque l'a fait a des hajr, quiconque ne l'a fait pas, sans raison valable, il a quoi? Il a des siyat, il a des malfaits. Maintenant, ça c'est le premier fard. Ça s'appelle le fard, l'obligation personnelle. La deuxième obligation, ça s'appelle obligation de groupe, collective. Exemple, la vie et le mort. Exemple, la médecine. Exemple, l'agriculture. Les études dans cette chose-là. Ça, c'est une obligation. C'est impossible que une nation puisse vivre sans médecin, sans ingénieur, sans mécanicien, sans tout ça. C'est obligé qu'il soit. Mais c'est une obligation comment? C'est une obligation de groupe. Ça veut dire quoi, obligation de groupe? Ça veut dire si un, deux, trois, un petit groupe fait cette obligation, ceux qui la font, ils ont des hasanats, des bienfaits. Et tous les autres qui ne la font pas, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Awalan, ils n'ont pas de ithm. Et voilà, ils n'ont pas de ithm. Ça veut dire, ils ont, alhamdoulilah, ils ont échappé de quoi? Du ithm. Pourquoi? Parce qu'un autre groupe a fait cette obligation à leur place. Car ce n'est pas une obligation personnelle que chacun doit faire. C'est une obligation de groupe. On ne va pas faire tous médecine. 10 ou 15, le gouverneur va choisir dans la liste. 10 ou 15, il va dire, ceux-là, ils doivent faire médecine. Ceux-là, ils doivent faire agriculteur. Ceux-là, ils doivent faire ceci. Pourquoi? On a besoin d'eux. Donc, ce n'est pas une obligation personnelle, obligation de groupe. Donc, ceux qui font cette obligation, ils ont un ajr pour l'avoir fait. Et nous, alhamdoulilah, qui ne font pas, parce que nous ne l'avons pas le mort, nous. Donc, nous avons quoi? Nous n'avons pas de siyyat, alhamdoulilah. Nous n'avons pas de siyyat. Nous nous en désengageons. Mais si tous, on ne va pas faire l'obligation de groupe, tous, on va dire, on n'a pas le mort. On n'a pas le mort. Tous, on va dire, moi, je suis médecin, par exemple, nous sommes deux dans la ville ou trois, tous les trois on va fermer, on va prendre un mois de congé. Dans la ville, il n'y a aucun médecin pendant trois mois. Tous les trois on va avoir quoi? Tous les trois on va avoir des péchés. On est trois. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de groupe. Au moins l'un doit rester ouvert. Au moins l'un. Ensuite il a dit B, le recommandé ou bien la sunna se divise en deux sortes. Recommandé, seulement recommandé, sunna faqat. Comme par exemple salat al-duha. Si tu fais salat al-duha, tu as ajr. Tu ne fais pas la prière de la duha, tu n'as pas d'ithm. Et comment qu'on connaît? Ensuite, pardon. Ensuite, deuxièmement, recommander vivement sunna mu'akkada. Il y a le recommander seulement sunna, comme salat al-duha. Et il y a le recommander vivement, vivement salat mu'akkada. Comme quoi, par exemple, mu'akkada, comme salat al-rawatib. Comme les 12 rak'at qu'on fait, 4 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, deux après le maghrib, deux après le isha, deux avant la salat du matin, c'est-à-dire le fajr. Ça s'appelle une sunna mu'akkada. Le 8, salat le 8, c'est une sunna mu'akkada. Comment reconnaître la sunna mu'akkada de l'autre qui est normale seulement? La mu'akkada, la vivement recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a laissé que rarement. Il la faisait tout le temps, même quand il partait en voyage. Quand il partait en voyage, ça veut dire sunna quoi? Mu'akkada. Et l'autre qui n'est pas recommandé, qui est seulement sunna, elle n'est pas vivement recommandée, celle-là, tu la fais de temps en temps, tu la laisses de temps en temps, ça, c'est normal. Donc la différence, c'est que l'autre, la mu'akkada, la vivement recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a laissé que rarement. Et ici, notre frère a oublié une chose, laquelle? C'est que la vivement recommandée, la sunna mu'akkada, elle-même se divise en deux groupes. Ou bien, dans la vivement recommandée, il y a la vivement recommandée. Ça veut dire, dans la sunna recommandée, il y a qui est plus recommandée. Par exemple, la sunna recommandée, on a les 12 rak'at rawatib, on a fajr, on a le 8, par exemple. Eh bien, le fajr et le 8 sont beaucoup plus recommandés que les 12. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il était en voyage, il faisait le fajr et le witr. Et il laissait les 12. Il les laissait en voyage. Ce qui veut dire que, s'il a laissé quelque chose et il n'a pas laissé l'autre, ça veut dire que l'autre est beaucoup plus importante que celle qu'il a laissée. Voilà ce que notre frère, inshallah ta'ala, a dit. Voilà ce que notre frère, bi'idna subhanahu wa ta'ala, a dit. Et je crois qu'il est même en train d'écrire ici. J'ai reçu les devoirs à dos de quelques-uns. Je vous donne les noms, je vous donne à peu près où il y a eu quelques fautes. J'ai pas reçu de celle de quelqu'un qui s'appelle Isis. Ah, ici, c'est vide, il n'y a rien. Il y a le non seulement, il n'y a rien. Peut-être qu'il n'a pas, il n'a pas su comment faire peut-être un fichier attaché. Peut-être, je me dis comme ça, parce que c'était vide. Ou bien il s'est trompé, je ne sais pas. Ah, Omarie, c'est toi, hein. Subhanallah, tu n'as pas, tu n'as rien écrit, la feuille est blanche. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a que un seul. C'est pas compliqué, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul. Ou deux. De quoi? Un seul ou de quoi? J'ai pas compris. Bon, pour revenir au Mali, je disais. Ensuite, il y a Oum Abdallah. J'avais reçu deux mails ou un seul. J'ai reçu un seul. Naam, j'ai reçu un seul email. Ça, j'ai pas reçu deux. J'ai reçu un seul. Si c'est avec le, la même adresse, j'ai reçu un seul. Si c'est avec une autre adresse, il n'y a pas. De toute façon, voilà les noms qu'il y a. Ensuite, il y a Oum Abdallah Jazaïria. Elle a oublié seulement une chose. Son devoir était bien. Elle a oublié seulement une chose. Quand elle disait, par exemple, certaines fois, quand elle disait, si tu fais cette chose, si tu fais cette chose, tu as un ajr. Là, quand elle disait, si tu fais par exemple cette chose, tu as un ajr, elle oubliait de dire, si tu la faisais en la cause d'Allah. Si tu la faisais en la cause d'Allah. Ensuite, Barakallahu Fiha, c'est la seule qui a répondu à la question. J'avais posé une autre question. J'ai dit, quand quelqu'un nous dit salam, et nous sommes 6 ou 7, bien sûr, vous savez qu'on est obligé de lui répondre. Est-ce que on lui répond, c'est une obligation de groupe ou bien c'est une obligation personnelle? C'est une obligation de groupe. C'est-à-dire si un seul de nous, non, si un seul de nous dit à cette personne, wa alayka salam wa rahmatullah, ça suffit. Ça suffit. Pourquoi? C'est une obligation de groupe. C'est pas tout le monde en va lui dire wa alaykum salam wa rahmatullah. Par contre, c'est pour ça que je ne vous ai pas posé la deuxième question. Elle était un peu difficile et j'aurais été sûr que vous seriez trompé. La deuxième, si quelqu'un éternue, il éternue, il dit Alhamdulillah. Il y a 5 ou 6 qui sont passés. Non, il y a 5 ou 6 qui sont passés. Là, c'est pas. Non, là, tout le monde doit lui dire Yarhamukallah. Tout le monde doit lui dire Naam, Naam. Tout le monde doit lui dire Yarhamukallah. Donc, rendre la réponse, en arabe ça s'appelle Tishmit. Quand quelqu'un il dit, il éternue, il dit Alhamdulillah, quand tu lui réponds en arabe ça s'appelle Tishmit. Et Tishmit est dans obligation individuelle. Naam, chacun doit lui répondre. C'est pas comme rendre le salam. Pourquoi? Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a hadith, quand on a hadith, qu'est-ce qu'on dit? Sami'na wa ta'na, khlas. On a hadith qui dit quoi? Non, on a hadith qui dit, il dit, qu'est-ce qu'il dit hadith? Non, il dit, idha atasa ahadukum fa hamid Allah, haq ala kulli man sami'ahu an yushammita. Il a dit, si quelqu'un a entendu quelqu'un qui a dit alhamdulillah après avoir éternué, obligé à quiconque l'a entendu lui répondre. Donc si vous êtes 10 ou 15, vous entendez quelqu'un éternuer, il dit Alhamdulillah, ne dites pas khlas, l'autre lui a dit. Tout le monde lui dit Irhamukallah. Tout le monde lui dit Irhamukallah. En ce qui concerne Oum Abdallah, en ce qui concerne le mot que tu avais employé pour le lavage majeur, ce n'est pas une gêne. Au contraire, il fallait employer ce mot. Pourquoi? Pour que les gens savent. Les gens savent quand on a yani. Quand on dit quelque chose dans le dîn, c'est pour montrer aux gens le dîn, pour qu'ils ne se trompent pas. On le dit, comme j'ai le hadith d'hier de l'Ansar. Aïcha a dit, rahimallah, Nisa al-Ansar, elle n'avait pas honte de dire, de chercher la vérité concernant question de dîn. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna Allah la yistahi an yadriba mathalan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yistahi min al-haq. Inna Allah la yistahi min al-haq. Allah Azza wa Jalla n'a pas honte de la vérité. Et ensuite, il y a Titah, je crois que j'ai dû voir son nom ici, je vérifie. Si elle n'est pas là, c'est pas la peine. Non, Titah Khadija. Ça, Khadija. En ce qui concerne le wajib, il se divise en deux. Il se divise Aïn et Kifaya. Dans la Kifaya, tu as dit ceci. Tu as dit, si personne ne le fait, tous sont empêchés. Mais si un peu de gens le font, ils auront une récompense. Et le reste n'aura rien. il fallait dire ici, et le reste n'aura rien. Ça veut dire n'aura pas de récompense, mais échappera au péché. C'est très important. Il n'a rien, mais alhamdoulilah, il a échappé au péché. Il ne va pas avoir un péché parce qu'il y a des autres qui ont mis à sa place. Le devoir était bien. Tarakallahu fik. En ce qui concerne le mundoub, tu as dit il y a deux sortes. Recommander simplement et vivement. Ensuite, tu as parlé du vivement. Tu n'as pas parlé du vivement. Tu n'as pas dit, mais dans le vivement, ça se divise en deux. Il y a le vivement seulement recommandé vivement. Et il y a le witr et le fajr qui sont recommandés très vivement. Ça, tu n'as pas dit. Ensuite, dans le haram, tu as dit, si on le fait sans contrainte, c'est un péché. Ensuite, tu as dit, si on le laisse, et si on le laisse en la cause d'Allah, on a un ajr. Ça, tu l'as oublié. Et si on le laisse en la cause d'Allah, on a un ajr. Pour Blabla et Oum Abdelrahman, c'était juste les réponses. En ce qui concerne Blabla, c'était pas très détaillé. C'était très circonscrit, très vite. C'était pas très détaillé. En ce qui concerne Blabla et Oum Abdelrahman, la petite faute qu'il y avait, c'était vous ne disiez pas si c'est en la cause d'Allah. Les deux, vous avez dit, si tu fais cela, par exemple, tu as un ajr. Si tu ne fais pas, par exemple, tu n'as pas d'idr. Mais il fallait dire à chaque fois, si tu le fais en la cause d'Allah, c'est très important. Moi, je peux faire le ramadan, le 30 jours, mais ce n'est pas en la cause d'Allah. C'est en la cause de mon ventre qui me fait mal. Le médecin m'a dit, ne mange pas, je ne vais pas manger un mois. Ensuite, est-ce que je vais avoir des ajr? Et pourtant, je fais le jeûne du Fajr jusqu'au Maghreb. Je n'ai rien à voir, je vais avoir des ismes, des péchés. Pourquoi? Parce qu'il faut dire, il faut le faire en la cause d'Allah Azza wa Jal. Oum Ayyub, le devoir était bien. Tu as oublié de diviser le wajib en personnel et collectif. Oum Ayyub a oublié de diviser le wajib qu'il y a deux sortes. Il y a le personnel et il y a le collectif. Elle a parlé seulement du wajib, sans le diviser en deux. Et quant à la sunna mu'akkada, tu n'as pas parlé qu'elle se divise en deux, mu'akkada et non mu'akkada. Recommander et recommander vivement. Toi, tu as parlé seulement du recommandé, tu n'as pas parlé du vivement. Voilà ce que je voulais dire. On commence, Inch'Allah Ta'ala, le dars, Inch'Allah Ta'ala, du hadith. Je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, que au maximum que vous n'écriviez pas sur l'écran pour me laisser concentrer, sauf quand c'est quelque chose que vous devez faire. Sauf quand c'est quelque chose, Inch'Allah Ta'ala, que vous deviez faire. Ensuite, je voudrais dire une chose. Je voudrais donner un petit aperçu sur le hadith. Un petit aperçu. Vous devez savoir que... D'abord, je demande s'il y a le son. Vous m'écrivez le 1 s'il y a le son. Naam. Shukran, barakallahu fikoum. Vous devez savoir que, en ce qui concerne le hadith, qu'il y a des gens, mal-assef, qui ne savent pas qu'on doit suivre les deux. Il y a des gens, mal-assef, qui croient que le Coran, ça suffit. Et il te dit le Coran, moi j'ai appris le Coran, c'est le Coran qui est venu d'Allah Azza wa Jal. Le hadith, il peut être faux, il peut être faible, il peut être, je ne sais pas. Moi, pour prendre le sûr, je prends le Coran qui est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, ou bien c'est un kafir, ou bien c'est un ignorant, grand ignorant. Ou bien c'est un kafir carrément, ou bien c'est un grand ignorant. Allah Azza wa Jal, lui, sait s'il va lui pardonner ou pas. En ce qui concerne la secte qui dit non, moi, je ne prends pas la sunna, et ce sont des gens qui ont du ilm, ça veut dire qu'ils ont un cerveau pour réfléchir, etc. Et c'est devenu une secte. Ça s'appelle le Qur'aniyoun. Ils vivent en Afrique, il y a partout, dans tous les pays du monde, il y a le Qur'aniyoun. La secte, le Qur'aniyoun. Ahmadiyoun. Ceux-là, ils disent, on prend seulement le Coran. Ceux-là, les ulama ont dit, ce sont des kuffars. Kuffars. Pourquoi? Parce que si tu prends le Coran, tu es un menteur, car le Coran lui-même te dit, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Tu prends le Coran, d'accord. Prenons le Coran. Lisons le Coran. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Il y a ati'u Allah wa ati'u Rasul. Il y a eu la dynamique, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Qu'est-ce qu'on fait ce verset? Man yuti'u Rasul faqad ata'a Allah. Quiconque a dit Allah Azza wa Jal, obéit au prophète, il m'a obéi. Qu'est-ce que tu fais de l'akhir? ما يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ديت سي فريمون فو زيمي الله سويفي مو الله فو زيمرا. الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا. سي فو زالي لو سويف فو زالي اتر بيان غيدي. الله عز وجل قال وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله عز وجل قال كو كراني سو كي لو نو لو سويف با أو كي فون كونتخير دو سكيل دي كو سا لور أريف أن كغون مالور إيسي. لو كغون مالور إيسي c'est bien sûr la bid'a, etc. Et quand il mourra, il aura le grand malheur aussi qui sera l'enfer. Donc, il faut être, savoir que Al-Sunnah al-Jama'a, c'est du mouhour muslimin disent on doit suivre les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, je vous laisse deux choses. Vous ne vous égarez jamais si vous vous y cramponnez. Le livre d'Allah et ma sunnah. Et ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce que, yani, ils me rencontreront, ou là vous me rencontrerez dans le Hawd. Hawd, c'est un grand lac que Allah Azza wa Jal donnera au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier, comme ça. C'est pas dans le paradis, dehors, yani, et l'eau qui lui vient, bien sûr, du paradis, et chaque prophète a un Hawd, le Hawd, le lac, hada, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus beau, le plus, yani, la saveur, c'est la plus bonne, yani, la vie, etc. Donc, on doit suivre les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, si je ne me trompe pas, il est dans Sahih Abi Daoud de Cheikh Al-Albani. Je suis sûr que c'est Al-Albani à rahmatullah qui l'a authentifié. Mais c'est dans Sunan Abi Daoud ou Tirmidhi, avec 95% Sunan Abi Daoud. Où il dit quoi? Il dit لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدت في كتاب له من حلال حللته وما وجدت من حرام فحرمته. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne voudrais pas trouver quelqu'un de vous bien adossé sur son fauteuil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi ce que je trouve dans le Coran, s'il a dit c'est illicite, c'est illicite. S'il a dit c'est halal, c'est permis. Et c'est-à-dire il s'arrête là. Seulement le Coran. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a terminé le hadith. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Il a dit, mais Allah m'a donné le Coran et il m'a donné la même chose avec lui. La même chose, c'est la Sunna. Il m'a donné le Coran, il m'a donné la Sunna. Il m'a donné les deux à la fois, pas seulement le Coran. Et dans un autre hadith aussi vrai, il a dit, authentifié par Cheikh Al-Albani aussi, il a dit Ala inna maharama Rasulullah mit maharama Allah. N'est-ce pas que, ou bien à peu près dans ce sens, ce que je dis moi haram, c'est comme ce que dit Allah Azzawajal haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais de ses passions ou bien dans le vide. Jamais. Il ne parle pas des passions. Et là, je l'ai dit dans un verset, il a dit regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature par rapport à chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit dans le Coran, ici, ça veut dire ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait de moi des choses qui n'est pas dites. Yataqawwal. On dit Fulan yataqawwal. Il dit des choses qui n'est pas dites. Il va dire de moi que j'ai dit ceci haram, ceci halal, que je n'ai pas dit. Alors Allah a dit, ici le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait de moi ce que je n'ai pas dit, la akhadna minhu bil yamin. Walakata'na minhu l'watim. Subhanallah. Je l'aurais pris, Allah a dit, je l'aurais pris par la main droite. Quand on dit prendre quelqu'un par la main droite, ça veut dire elle est très fort. On prend comme ça très fort pour le battre ou là, le frapper ou là, le tuer. Je l'aurais pris par la main droite et je lui aurais coupé la veine qui va du cœur jusqu'au, elle marche dans tout le corps. Elle va directement au cœur, de la main ici, elle monte, elle va jusqu'au cœur. C'est la veine que si on la coupe, on meurt. La carotide. Si on la coupe, on meurt. L'aorte. Donc regardez, barakallahu fikoum. Le prophète, Allah Azza wa Jalla a dit, si le prophète disait de moi, le prophète que, il n'y a pas quelqu'un que j'aime plus que lui, voilà ce que je lui ferai. Qu'en est-il alors de celui qui parle, du comme ça, il dit ceci haram, ceci halal, il n'a pas d'aim. C'est pourquoi c'est très très très dangereux. Très très dangereux de parler dans le din quand on n'a pas quoi, on n'a pas les connaissances nécessaires et le niveau requis. C'est très très difficile. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a mis ça, celui qui fait cela, il l'a mis juste après le mouchrik. Le mouchrik, il y a le mouchrik, celui qui fait le polythéisme, associateur. Ensuite, il y a celui qui parle dans le dîn sans avoir assez de connaissances. Comme il a dit dans le Coran, إنما حرم ربي الفواحش إلى دي الله عز وجل interdit الفواحش la zina etc. Ensuite à la fin du verset il montre ce qui est interdit. Il a dit وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, et que vous faites du shirk. Ensuite il a dit وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, et que vous disiez sur Allah des choses que vous ne connaissez pas. Donc il a placé juste après le shirk. C'est l'un des grands péchés, de parler quand on ne sait pas. C'est pour ça, quand on ne sait pas quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana. On dit Allahu a'lam. On n'est pas mieux que les anges. Les anges, on n'est pas mieux que. Les anges, on dit Rabbana la ilma lana. Allah Azza wa Jal, on n'a pas de ilm sur ce que tu nous as appris. C'est pour ça que l'imam Malik, Ali Rahmatullah, vous savez qui il était, l'imam Malik? La science qu'il avait. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a quelqu'un qui est venu du Maghreb, du Maroc, spécialement jusqu'à le Médina pour lui poser des questions. Imaginez du Maroc, autrefois sur un âne ou un chameau, là, quand est-ce que tu vas arriver à la Médine. Ensuite, il lui a posé, je crois, 37 questions, ou 27, j'ai oublié, ou bien 47, j'ai oublié le nombre. Il n'en a répondu qu'à 3. La hawla ou la quwwata illa billah. 3. Ensuite, l'homme s'était étonné. Il a dit, subhanallah, 3 réponses. Que vais-je dire aux gens qui m'attendent là-bas? Ils m'ont envoyé avec 37 ou 47 questions, je ne sais pas combien, ou la 100. Comment vais-je leur dire? Tu m'as répondu seulement à 3. Il a dit, naam, c'est simple. Tu vas leur dire, l'imam Malik a dit, je ne connais pas la réponse. Dis-leur, l'imam Malik a dit, Allahu a'lam. Dis-leur, l'imam Malik a dit, Allahu a'lam. De toute façon, quand quelqu'un te pose la question, tu dis Allahu a'lam. Ce n'est pas toute personne peut faire cela. Parce que des fois, on a ce qu'on appelle à l'intérieur riya. On veut se montrer aux gens. On a honte de dire comment on ne connaît pas la réponse. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire celui-là, il n'a pas d'ilm. Quitte à ce que j'aille en enfer, je réponds. Quitte à les égarer, je dis faux et je réponds. L'essentiel, c'est que mon image reste bien dans le cœur des gens. Moi, je ne veux pas le visage d'Allah, je veux le visage des gens. C'est pour ça que je dis tout, même si je ne connais pas. Ça, bien sûr, c'est, comme je disais, l'un des grands péchés. Tout ça parce que je voulais vous dire que celui qui ne suit pas le Coran et la Sunna, et qui croit qu'il se suffit au Coran, on lui dit, tu te trompes beaucoup, beaucoup, si tu n'es pas un kafir. Si tu n'es pas un kafir, tu te trompes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez par exemple, un exemple très simple. Un bateau, en plein océan, la tempête, les vagues de 10 mètres, ensuite il fait nuit, obscurité totale. Comment vais-je savoir moi quelle est la direction que je dois prendre si je n'ai pas la boussole? C'est la même chose. Si tu n'as pas la sunnah, tu n'as pas la boussole. Tu as le bateau, disons le bateau, c'est le Coran. Alhamdoulilah, tu as le bateau, tu es sur le bateau, Inch'Allah, tu vas arriver, ça veut dire que tu vas arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala, car tu as le Coran. Mais tu as oublié la boussole, et les vagues font 10 mètres, et il fait très nuit, et la tempête, ça dure une semaine. Ça veut dire même le jour, tu ne vois pas les directions, tellement les vagues sont hautes, et tu ne sais pas si à droite, si à gauche, tu n'as pas quoi, tu n'as pas la boussole. La sunna qui te montre comment expliquer le Coran. Le Coran, des fois il donne des ayats, il donne certains versets, il ne les montre pas exactement. Il les laisse comme ça pour que les gens fassent l'ijtihad, fassent le ilm, cherchent, fassent des recherches. Sinon tous on va dormir. On dit voilà le Coran et voilà son explication, khalas. Je ne fais pas d'effort. Non, il laisse comme ça des choses pour que les gens fassent des efforts, apprennent, essayent de comprendre. Dans certains versets, bien sûr, pas tous. Donc, si tu ne connais pas la sunna, tu ne connais rien. Au point haut, je vais vous dire une chose, ça va étonner, vous allez dire, subhanallah, je ne l'ai jamais entendu. Au point haut, Ibn Hazm, un grand alim qui vivait en Andalousie, a dit, écoute ce qu'il a dit. Si jamais tu as un problème, tu vas chez un imam, tu lui dis, salam alaikum, il te dit, alaikum salam, tu lui dis, j'ai un problème. Il te dit, Vas-y, tu lui dis, voilà la réponse. Tu lui dis, pardon, la réponse, c'est quoi? Tu as un verset ou une sunna ou là? Il te dit, j'ai un verset qui a dit ceci, cela. Donc, cette chose-là, c'est par exemple haram. La chose dont tu viens me demander haram, tu lui dis, c'est quoi ton délil? Il te dit, j'ai le Coran. C'est Ibn Hazm qui dit comme ça. Il a dit ensuite, toi, tu vas demander à un deuxième imam. Par exemple, tu n'es pas convaincu. Tu vas vers un autre, tu dis celui-là, peut-être il connaît mieux que lui. Tu vas chez le deuxième, salam alaikum, tu lui poses la même question. Il te dit, c'est halal. Exemple, hein, le premier a dit, c'est haram, ça se fait pas, tu as péché. Le deuxième a dit, c'est permis, tu peux le faire. Tu lui demandes le délit, tu lui dis, pardon, c'est quoi ton délit? Il a dit, il te donne un hadith. Il se donne un hadith du prophète salam alaikum, sahih. Ibn Hazm a dit, dans ce cas, tu prends avec ce que tu as dit, celui qui t'a donné le hadith, tu ne prends pas avec celui qui t'a répondu avec le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. Et pourquoi? Pourtant le Coran, subhanallah. Naam. Pourquoi tu prends avec le hadith ici, pas avec le Coran? Car celui qui a dit le hadith, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est descendu sur qui? Sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, s'il a dit ce hadith et s'il est vrai, donc c'est lui qui a bien compris le Coran, c'est lui qui peut expliquer le Coran. Donc le prophète, alayhi sallam, il n'est pas fou, il va dire quelque chose qui va contrarier le Coran. J'ai dit à condition que le hadith soit sahih. Donc, je prends de ce qu'a dit le hadith. Car c'est le hadith, c'est l'explication du Coran. Maintenant, pour vous donner un exemple, peut-être pour éclaircir un peu mieux. Allah Azzawajal, quand il a dit dans le Coran, par exemple, Allah Azzawajal, quand il a dit dans le Coran, il a dit... وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Là je l'ai dit, et quand vous êtes en voyage, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat. Ce n'est pas un péché de, au lieu de faire 4, le dhuhr tu fais 2, le asr tu fais 2, le maghrib tu fais 3, la isha tu fais 2, et le sobh tu fais 2. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est allé en voyage et n'a fait la prière longue dans toute sa vie. Toujours, quand il partait en voyage, il raccourcissait la salat. Maintenant, Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous êtes en voyage, vous pouvez raccourcir la salat, ça se fait, ce n'est pas un péché. Il a dit, si vous craignez que le mécréant ne vous mette à l'épreuve, « Inkhiftum an yiftinakum ladina kafaru » Si vous avez peur des mécréants qui vous fassent des problèmes, ça veut dire, raccourcir la salat, vous n'avez pas un péché. Donc moi, si je vais ouvrir le Coran, je vais lire ceci, je vais dire, Allah Azzawajal a dit, oui, certes il a dit, vous pouvez raccourcir la salat, mais pardon, il a fait une condition, il a dit, si vous craignez que les mécréants ne vous fassent des problèmes. Donc, c'est très clair. Alors que les compagnons qui ont eux-mêmes, ils ont eu un peu de difficulté à comprendre ce verset. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils le voyaient même en sécurité, sans problème avec les mécréants, il n'y avait pas de problème avec les mécréants, ils pouvaient voyager en sécurité et ils faisaient raccourcir la prière. Car je vous ai dit, il n'a jamais fait langue. Alors ils se sont étonnés, ils ont dit, subhanallah, le verset a bien dit, si vous craignez les problèmes des kuffars. Maintenant nous on est en voyage avec le prophète, alayhi wa sallam, il l'a fait courte, il n'y a aucun ennemi, ni à droite ni à gauche, il n'y a rien, on est en sécurité. Ils lui ont demandé, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu dans un hadith sahih, ils ont dit, pourquoi devons-nous raccourcir notre salat alors que nous sommes sécurisés? Et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une aumône, sadaqatun, c'est une aumône d'Allah. L'Azawajal vous a fait une aumône, comme toi tu fais une aumône aux pauvres. Il t'a donné une sadaqa dont Allah vous a fait part. C'est une aumône dont Allah Azzawajal vous a fait part. Ensuite il a dit, acceptez-la. Quand il a dit acceptez-la, ça veut dire que quand je pars en voyage et je ne veux pas raccourcir, que je n'ai pas accepté l'aumône de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les ulama sont tous d'accord pour dire que si tu raccourcis en la salat, quand tu es en voyage, tu la raccourcis, ils sont tous d'accord pour dire que tu as fait quelque chose, au moins de quoi? Au moins de yani permise. Car beaucoup ont dit, c'est wajib, tu dois raccourcir. Et donc, ils se sont unifiés pour dire, au moins tu as fait quelque chose de permise, mais si tu l'as fait pas raccourci, tu l'as fait yani longue, beaucoup ont dit, elle n'est pas valable. Subhanallah al-Azim. Ils sont unifiés pour dire, elle est valable, je la fais courte. Et ils se sont yani, divisés pour dire, est-ce que quand tu la fais longue, est-ce qu'elle est valable ou elle n'est pas valable. Et les gens qui disent maintenant, bien sûr qu'ils n'ont pas d'ilm, il faut leur apprendre, ce n'est pas les brusquer. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, pardon, autrefois, il y avait quoi? Il y avait le chameau. C'était difficile de faire la salate longue. Il se fatiguait, etc., etc. Il te dit, moi maintenant, je pars en voyage avec la Mercedes. Elle est climatisée. Je n'ai pas besoin, je m'arrête où je veux. Je n'ai pas besoin de la raccourcir. Ceux qui disent cela, ce sont les mêmes qui disent, si tu es au Ramadan, en plein Ramadan, il te dit, si tu fais un voyage, tu ne peux pas manger. Tu lui dis pourquoi? Il te dit, certes, c'est permis de manger quand on voyage pendant le Ramadan, mais c'était autrefois. Il y avait beaucoup de chaleur, il y avait ceci. Et maintenant, yani, ce n'est pas possible de jeûner, par exemple, quand on fait quoi? Quand on fait le voyage. À cela, qu'est-ce qu'on répond? Une réponse très très simple. Très très simple. On lui dit, sache mon frère, on dit à cette personne, ou si c'est une femme, on lui dit, sache ma soeur, que Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit, quand tu lui as posé une question dans ses fatwa, il a dit, quiconque, je donne à peu près ce qu'il a dit, quiconque dit que si tu voyages en Ramadan, tu n'as pas le droit de manger, sauf s'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas ceci, sauf ceci, il commence à donner des raisons comme ça, il a dit, celui-là, il est obligé, ou bien de faire le repentir, de dire, khalas, je retire ce que j'ai dit, je regrette, ou bien il doit être tué. Pourquoi? Qui en le tue? Moi, je le tue jamais. Moi, je porte plainte chez le gouverneur. On lui dit, il y a quelqu'un ici qui dit aux gens, vous n'avez pas le droit. Pourquoi a dit il doit être tué s'il ne fait pas le repentir? Parce que il a changé la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azzawajal, tu dis, tu peux. Et il y a quelqu'un, il fait des conditions. Il y a quelqu'un, il fait des conditions de sa tête. Il te dit, puisque maintenant tu es en avion, c'est pas sur le chameau, puisque l'avion est climatisé, puisque ceci, puisque tu arrives seulement en une heure, autrefois ils arrivaient en un mois, donc c'est interdit de manger. Alors celui-là, c'est devenu quoi? C'est devenu un moucheria. C'est lui maintenant qui fait les lois. Donc on lui dit, toi tu fais les lois à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Donc ou bien tu regrettes vite, tu fais le repentir, ou bien tu dois être tué. Donc faites bien attention si vous voyez quelqu'un yani manger ou là, ça il est libre. Pourquoi? Parce que il a pris avec la sunna. Il veut manger en voyage, il mange. Il veut pas manger, ça se fait. Les deux se font. Tu veux manger en voyage, tu veux pas manger. Sauf dans un cas, si tu commences à être malade et avoir la tête qui tourne, etc., ça tu es obligé de manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens regroupés autour de quelqu'un. Il est allé voir, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont écartés, il a trouvé quelqu'un évanoui qui on lui jetait de l'eau sur sa tête. Il a dit, pourquoi? On lui a dit, celui-là, il a fait le carême. Il a fait le jeûne. Il a dit, laysa min al-birr as-siyam fi safar. Ce n'est pas de la piété de faire le karam alors qu'on est en voyage. Donc les ulama ont dit cela pour quelqu'un yani qui a des maux de tête, etc. Mais si tu voyages et tu n'as rien ni maux de tête, etc., et tu veux faire le karam, tu le fais. Même Cheikh Ibn Uthaymeen a dit peut-être même c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'après c'est peut-être tu meurs, bien sûr si tu meurs tu es pardonné parce que tu avais l'intention, mais peut-être après tu vas être paresseux, tu vas dire maintenant je suis seul, c'est terminé le Ramadan, c'est difficile pour moi de faire le carême, je suis seul. Il n'y a pas des gens qui font aussi pour y en t'aider un peu. Tu te vois seul, peut-être tu deviens paresseux. Mais je fais une conclusion, ça n'a rien à voir avec le DAS, mais c'est venu comme ça, un petit résumé. En ce qui concerne quand tu es pendant le Ramadan et en voyage, premièrement, si tu as des maux, etc., tu dois manger. Tu vomis, tu dois manger. Et deuxièmement, si tu es normal, comme ça, comme nous, normal, tu es libre. Tu veux manger, alhamdoulillah, tu as pris avec l'aumône d'Allah Azza wa Jal. Tu veux pas manger, pour ne pas se parer sur après, etc., alhamdoulillah. personne, les compagnons disaient, on voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains mangeaient, certains ne mangeaient pas. Et ils disaient, jamais quelqu'un ne disait à l'autre, toi pourquoi tu as mangé? Et l'autre ne disait, toi pourquoi tu n'as pas fait le jeûne? Non, tu es libre. Tu veux manger, tu ne veux pas manger. Bref, je donne un exemple, je disais, maintenant je donne un exemple. Regardez par exemple, parlons seulement par exemple de la salat. Allah Azza wa Jal, beaucoup de versets où ils disent Aqimu salat, ils disent Illa al-Musallin, il a beaucoup vanté ceux qui font la prière. Quelqu'un qui nous dit moi je ne marche qu'avec le Coran, on lui dit Barakallahu fiik, tu marches seulement avec le Coran, il n'y a pas de sunna, Masha'Allah alik. Maintenant, dis-moi combien il y a prière par jour. Combien? Donne-moi un verset qui dit il y a 5 prières par jour. Il va le lire de A à Z et revenir marche arrière, il ne va pas trouver ce verset. Il n'y a pas dans le Coran un verset qui dit tu dois faire 5 prières par jour. Il a dit faites la prière. Maintenant, deuxième question. Dis-moi combien dois-je faire de rak'a dans le Dhuhr, ensuite dans le Asr, et Maghrib et Isha, et le Fajr. Dis-moi, il y a ça dans le Coran? Il y a c'est écrit, tu fais 4, tu fais 3, tu fais 4, tu fais 2, tu fais 2. Impossible. Donc, toi tu me dis, je ne suis pas la sunna. Donc, comment vais-je faire? Ensuite, dis-moi, quand est-ce que je fais la prière fort, quand est-ce que je la fais à la voix basse? C'est écrit dans le Coran? Impossible. Alors, comment tu me dis, je ne suis pas le sunna moi? Comment je suis le Coran? Seulement le Coran, et comment vais-je faire pour la prière? Ça, c'est un exemple, la prière seulement. Ensuite, où est la prière nafila? Où est la surérogatoire hadi? Où est sunna mu'akkada? Où est salat al-duha? Tout ça, ce n'est pas dans le Coran. Tout ça, ce n'est pas dans le Coran. C'est Allah seul qui a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrer ces choses. Car c'est lui seul qui peut comprendre ce qu'il y a le Coran et l'expliquer. Parle aussi de hajj. Allah seul a dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ et حَجُّ الْبَيْتِ aussi لِمَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il a dit quiconque peut aller au hajj, il a de l'argent, il a la santé, etc. Il doit partir au hajj. Il doit partir. Quelqu'un peut me donner un verset ou là les versets où c'est écrit combien de tours on tourne autour de la Kaaba, comment on commence le hajj, comment on le finit, qu'est-ce qui est permis, couper les ongles, etc. Est-ce que c'est permis, les cheveux, etc. Est-ce qu'on met sur sa tête quelque chose, on ne met pas, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Qui peut me le dire cela, s'il n'y a pas la sunna? Si ce n'est pas la sunna qui t'explique en détail, qui peut me dire comment je vais faire le hajj? Si je prends le Coran qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque de vous a de l'argent, etc., il va faire le hajj. Ça veut dire, si je ne prends pas la sunna, je prends l'avion, j'arrive à la Mecque, je regarde la Kaaba en face de moi, si je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais même pas si je dois, quand je tourne, je laisse la Kaaba à ma gauche ou à ma droite. Et peut-être vais-je dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup la droite. Donc je laisse la Kaaba à ma droite et je tourne, alors ce sera faux. Il faut la laisser vers, à ta gauche. Ça c'est un exemple, on a des milliers d'exemples, des milliers pour ceux qui disent qu'on ne suit pas la sunna. Dernier exemple, un dernier exemple. Par exemple, quand Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Allah Azza wa Jalla a dit, le cerf, le voleur et la voleuse, quand ils volent, coupez leurs mains. Vous savez, la main en arabe, ça commence des doigts et ça monte jusqu'à l'épaule. Tout ça, c'est ma main. Où vais-je couper? Au poignet, au coude ou là à l'épaule? Donnez-moi un verset qui dit ça. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Non. Comment vais-je savoir? Si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a montré, il m'a dit, le voleur, tu lui coupes au poignet. Seulement le poignet. Tu lui laisses la main comme ça pour s'en servir. Quand il a quelque chose qui, ça fait un demi-mètre de l'épaule au poignet, ça fait un demi-mètre déjà, ça l'aide beaucoup. Ça l'aide. Et si tu le enlèves à l'épaule, ça, khalas miskin. Il est foutu à l'insanada. Et bien sûr, pour le lui couper la main, il faut beaucoup, beaucoup de conditions. Et voilà, justement, une deuxième condition. Celui-là, le voleur, quand est-ce que moi je vais lui couper la main? Le Coran a dit, coupe-lui la main s'il vole. Il a volé, il est rentré au Monoprix, il a volé un bonbon. Je lui coupe la main? Oh là, je ne sais pas. Le Coran a dit, coupe la main. Il a volé une pomme. Est-ce que celui qui vole une pomme, c'est comme celui qui va à la banque, il a des valises et vole 10 millions? C'est la même chose. Allah, je ne sais pas, le Coran a dit, le voleur coupe lui la main. Alors on lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne coupe pas la main à quelqu'un s'il n'a pas volé un quart de dinar en or et plus, un quart de dinar en or et plus. Un dinar, c'est 5 grammes d'or. Quand tu vas chez le bijoutier ou l'adep, tu lui dis combien il fait le 1 gramme, il te dit ton, tu lui dis 5 grammes, c'est ton, 5 grammes c'est un dinar. Tu divises les 5 en un quart, en 4, ça donne 1,5 g ou 1,4 g. Donc un voleur, quand il vole cette chose, on voit si cette chose coûte 1,4 g, et en quoi? En or. Dans ce cas, on lui coupe la main avec quoi? Avec beaucoup d'autres conditions que j'ai dit, je les ai dit déjà une fois. J'ai dit quelles sont les conditions pour vous couper à la main, la main de quelqu'un, et ce n'est pas très facile. La preuve très simple, quand quelqu'un vous dit vous l'islam coupe les mains, etc., coupe les âmes, oh miskin toi, yani, tu as de la pitié pour les gens, miskin toi, Allah, mashallah alik, Allah azza wa jal, il n'a pas la rahma, c'est toi qui es rahim, c'est toi qui as de la pitié envers les gens, Allah azza wa jal qui l'a créé, il n'a pas de rahma. Ensuite tu oublies une chose très importante, tu as eu de la pitié pour qui? Tu as de la pitié pour le voleur quand on lui a coupé la main. Tu n'as pas eu de la pitié pour le voler. Le pauvre mesquin, le vieux qui travaille un mois du 5h du matin jusqu'à 8h du soir. Ensuite, quand il est monté dans le bus, on l'a volé. Celui-là, tu n'as pas de peine pour lui. Hein? Tu as de la peine pour celui qui a volé. Pourquoi on lui coupe la main? Je dis, la preuve qu'on ne coupe pas la main facilement, la preuve, regardez. Tout le temps où il était... Où était Khalifa, où était gouverneur Abu Bakr Siddiq, ensuite Omar ibn Khattab, ensuite Uthman ibn Affan, ensuite Ali ibn Abi Talib, à peu près 32 ans. 32 ans de règne, on a coupé sa main. 32 ans de gouvernance, on a coupé combien? 5 mains seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il remplisse beaucoup de conditions. Et ça veut dire aussi autre chose très importante, si tous on appliquait la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait eu ni voleur, ni drogué, ni zina, ni rien. Tout ce qu'on aurait fait en cachette. Pourquoi? Maintenant moi quand je vole, je rentre, je dévalise la banque et je vole. Ensuite je sais que quoi? Je vais aller seulement en prison, je vais m'amuser, rire, la drogue m'arrive en prison. J'ai la télévision, ils ont la bière, hein. Ensuite, tu as un peu d'argent, avec le juge, il te fait sortir. Ensuite, tu as la grâce, ensuite. Tout le monde, jamais personne n'arrêtera de voler. Mais quand tu marches dans la rue, ensuite tu vois quelqu'un on lui a enlevé la main, et tu sais que donc, ça c'est sérieux. C'est pas je vais aller à la prison avec des connaissances, je vais sortir. Ça c'est ma main qui va être coupé, et tout le monde, quand il me verra, ils vont dire, celui-là, c'est un voleur. Voilà, il n'a pas de main. Là, qu'est-ce qui va se passer? Là, quand tu marches, tu trouves un Kaaba, je ne sais pas si on dit un Kaaba, tu trouves un Kaaba là, plein d'or. Tu marches, tu trouves des chaînes d'or et des parures, comme ça, devant toi, et tu te retournes à droite, à gauche, il n'y a rien, tu ne peux pas prendre. Pourquoi? Tu te dis, peut-être, il y a un oiseau qui est passé sur ma tête, et l'oiseau va dire au gouverneur, j'ai peur moi. Tellement tu as peur, tu sais qu'on va te couper ta main et que c'est sérieux. Tu trouves qu'on fait de l'or, tu vas directement, tu fais semblant de ne pas avoir vu. Tu dis à tes enfants, vite, vite, éloignons-nous. Pourquoi tu as peur? Tu as peur. Pourquoi? Et tu sais qu'on va te couper la main. El-Muhim, je voulais dire que on demande à l'Azul qui nous aide pour qu'on apprenne, on apprenne le Coran avec la sunna. En même temps, je voudrais vous dire que même la sunna elle-même, même le hadith lui-même, il doit être expliqué, comme je vous ai dit, chez les ulama. Et c'est comme ça que vous savez si quelqu'un, c'est vraiment awalan salafi, et deuxièmement, s'il est vraiment sincère, s'il a vraiment peur d'Allah Azza wa Jal. Jamais quelqu'un, personne, ne peut expliquer un hadith comme ça de sa tête. Il ouvre, il va ouvrir Sahih al-Bukhari, asseyez-vous mes frères, je vais vous expliquer. Page numéro 1, chapitre numéro 1, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci, ça veut dire cela, ça veut dire cela, ça veut dire... Tout ça c'est haram. Pourquoi? quelle est la preuve que ce que tu as compris, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve que tu as compris comme Allah azza wa jalla a voulu qu'on comprenne. Quelle est la preuve? Alors, pourquoi il y a des ulama? Et pourquoi Allah azza wa jalla a dit, is'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun, suivez les ulama si vous ne connaissiez pas. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est pas facile. Des fois, il y a un hadith, mais ce hadith, il est attaché avec d'autres hadiths. Il ne marche pas seul, il marche avec d'autres. Toi, tu ne connais pas les autres, tu expliques seulement celui-là, tu as égaré les gens. Des fois, le hadith, celui-là, il est faible. Tu ne sais pas qu'il est faible. Tu as appris aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Des fois, ce hadith est mutlaq. On dit en arabe mutlaq. Ensuite, il y a un autre hadith qui lui fait le taqyid. Des fois, ce hadith est am, vague, comme ça. Mais il y a un autre hadith qui lui fait tarsis. Des fois, il y a un hadith qui est mubham, et un autre hadith qui lui fait tibien. Et comme ça, on ne peut pas tout se... Bon, peut-être qu'avec les exemples, on comprend mieux. Je donne un exemple très simple. Très simple. Avant d'oublier une chose, vous avez remarqué que l'Azul, quand il a dit dans le verset que je viens de dire, le voleur et la voleuse, s'ils volent, coupez-leur la main. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Le voleur et la voleuse, s'ils volent. Dans un autre verset, il a dit, وَالزَّنِيَةُ وَالزَّنِي فَجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جِدَّةٍ. Dans un autre verset, qu'est-ce qu'il a dit? La fornicatrice, celle qui fait la zina, et le fornicateur. Fouettez-les sans coup de fouet, bien sûr, s'ils n'ont jamais été mariés. Si quelqu'un se marie une fois et fait la zina, il est directement lapidé, il doit mourir. Pourquoi? Ça, c'est très grave. Elle-même, je voulais dire, regardez le Coran, yani chaque chose yani a un secret. Pour le voleur, question de vol, il a commencé par l'homme. Il a dit, le voleur et le voleuse coupaient leurs mains. Pour la zina, il a commencé par l'homme. Il a dit, la fornicatrice et le fornicateur, s'ils font la zina, fouettez-les sans coup de fouet. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est presque tout le temps, c'est l'homme qui vole. Vous avez vu des femmes dévaliser les banques ou bien rentrer dans le bus et voler les gens. C'est la plupart du temps, c'est les hommes. Et la zina, il a commencé par la femme. C'est la plupart du temps, c'est la femme qui est la cause pour la zina. Si toutes les femmes se retenaient, jamais aucun homme ne pourrait faire la zina. Regardez le Coran, pourquoi ici il a commencé par l'homme, pourquoi là-bas il a commencé par la femme. C'est pourquoi, puisque la femme, ça lui est très facile de faire la zina. Ça lui est très facile. C'est pourquoi la femme, plus elle se retient en la cause d'Allah, il ne fait pas, plus elle a des ajr indallah subhanahu wa ta'ala immense. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait et elle ne faisait pas. Tandis que l'homme il ne fait pas parce qu'il ne trouve pas. Voilà la différence. L'homme, il n'y a rien, akhlas. Je vais lire un peu de Coran. Peut-être s'il avait, il l'aurait fait. Peut-être, astaghfirullah. Sauf que je ne parle pas des sincères et des frères, etc. Mais la femme, elle peut très facilement et elle se retient. Non, c'est haram. Celui qui l'a fait, s'il est déjà marié ou même s'il a divorcé, il doit mourir, lapidé. Et s'il ne s'est jamais marié, on le fouette sans coup de fouet, on l'expulse de la ville. Une année, il revient pas à la ville où il a fait cette chose. Donc c'est pour ça que, yani, vous devez, surtout l'akhawat, vous devez, inshallah ta'ala, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour celles qui sont pieuses et qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a, pour ceux qui font la zina, ou l'ayadu billah, il y a dans le feu, en plein enfer, il y a un feu spécialement pour la zina, comme c'est dans le hadith sahih. En plein enfer où tous les gens, les mécréants, sont en train d'être châtiés, il y a un feu spécialement pour la zina, qui, dans le hadith, il a dit, un four. Il sort d'un four, ce four, on le met spécialement entre les jambes de celui qui a les jambes de celui qui a fait la zina, pour aller spécialement aux membres, soit de la femme ou de l'homme, pour aller spécialement à son membre et pour le brûler d'une façon atroce. À part qu'on est déjà en enfer. On est en train de brûler les mains, etc. Ensuite, ce four spécialement pour faire. Je sais pourquoi c'est plus facile pour la femme. Quelqu'un m'a dit pourquoi c'est plus facile pour la femme. C'est très facile pour la femme, j'ai dit, parce qu'une femme, quand elle veut cela, tous les hommes veulent, la plupart des hommes veulent faire cela, veulent les tentations. Il suffit seulement qu'elles descendent dans la rue, le sujet avec quelqu'un, c'est terminé. Mais je veux dire que l'homme, non. L'homme, c'est très difficile pour lui, par exemple, de trouver une femme. Et puis s'il la trouve, c'est très difficile qu'elle accepte. Mais si elle veut, c'est très facile. C'est pour ça que j'ai dit que la femme a beaucoup d'ajr en ce sens, plus que l'homme. Donc je donne un exemple, maintenant je vais donner quelques exemples où le hadith lui-même, on ne peut pas le comprendre soi-même. Il faut d'abord qu'on revienne à quoi ? On revient à ce qu'on dit de ulama, à ce qu'on dit de ulama. Allah Ta'ala a dit, traduction rapprochée, nous avons sur toi le dhikr. Pour que tu expliques ce qui a été révélé sur eux, les savants ont dit le dhikr. On dit le premier dhikr envoyé vers le message pour expliquer et la sunna. Naam, c'est qui a dit ça, Abdou? Pardon. Je vois pas son nom. Hein. Tamallah? Non, je tombe. Oum Abdullah a dit, le frère, ah, Farid Abdoulillah, il est là. Hein. Naam. La première, l'azawi, qu'est-ce qu'il a fait descendre? Il a un zunna avec un dhikr. Et tout bien, il a dit, les ulama ont dit dhikr, c'est la sunna. Naam, c'est la sunna le dhikr. Il a descendu le dhikr, ça veut dire qu'il a descendu la sunna. Barakallahu fik, jazakallahu khairak. Je disais en ce qui concerne le hadith que lui-même le hadith, on doit l'expliquer. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son parce que je me suis déconnecté? Il m'a dit awalan. Est-ce qu'il y a le son? Naam. Deuxièmement, barakallahu fikum, vous me dites exactement où je me suis arrêté. Vous me dites exactement où je me suis arrêté. Même si vous pouvez me dire exactement la phrase où je me suis arrêté, parce que je ne sais pas, peut-être ça fait un quart d'heure que je suis déconnecté, je ne sais pas. Vous me dites où je me suis arrêté exactement, qu'est-ce que j'ai dit? Je parlais de quelqu'un qui est tombé du chameau et qui devait faire le lavage majeur. Est-ce que j'ai terminé son histoire? Est-ce que j'ai terminé son histoire? Je parlais de quelqu'un qui est tombé du chameau et qu'il avait un trou dans la tête. Yani, j'ai pas commencé l'histoire de celui qui est tombé du chameau. Est-ce que j'ai pas commencé l'histoire? Ah, non, d'accord. Hein. Ah, donc, j'ai parlé peut-être pendant 10 minutes. Naam, j'ai parlé peut-être pendant 10 minutes. Donc, par que l'on fait comme? Le frère a cité ça. Donc, je donne d'abord à l'Akhi le micro. Où est-ce qu'il est? L'Akhi Farid, je ne sais pas où il est, je suis en train de le chercher. Je suis en train de le chercher vers la fin. Ah, ça c'est Oum Abdullah. Abdullillah. Naam. Bon. Abu Aisha, Muslim Koula, Abdurrahman, Abu Mohamed, mes questions. Oum Abdullah, Saïd, Oum Abdurrahman, Oum Zainab. Abou Hassan, le but de la vie, je ne vois pas où il est là. Naam. Jazakallah, j'ai compris. Voilà, je comprends. Jazakallah, naam. Je suis à Abou Hassan, le but de la vie. Et ça, Ahmed, Kada, Aïman, je trouve pas Abdoulillah, Wallah. Je vais descendre vers la fin, je vais voir. Simple, c'est Dieu, c'est le salaf, il y a un homme d'homme islam. Moussim Koula, Abdurrahman, Mekis, Salam, Saïd, Oum Zainab. Peut-être qu'il n'est pas dans mon écran, moi. Peut-être qu'il n'est pas dans mon écran. Khilish, Oum Abdullah, Ibrahim. Je ne vois pas où il est. Il n'a pas levé la main. Ah, Oum Abdullah, il a levé la main. Ça, ah, il est là. Barakallahu fik, tafadal, je ne t'ai pas vu, tafadal. Tu as le micro, tafadal. Est-ce que vous entendez quelque chose, Barakallahu fik? Je veux dire, vous entendez Farid qui est en train de parler, moi j'entends rien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez Inch'Allah? Fille saute. Est-ce que vous m'entendez Inch'Allah? Ibn Taymiyyah, t'esma'ouni? Hayyakum Allah jami'an. Hayyakallah ya Sheikh Aba Abdillah Muhammad. Hayyakallah wa bayyak. ونفع الله إخوانك وأخواتك بك وبهذه الدروس والحلقات. جزاك الله خيرا ومرحبا بكم جميعا، حيا الله جميعا. نحن مسرورون بلقاء بكم هذا اليوم في هذه الغرفة المباركة لأخينا ابن تيمية أبي عبد الله، جزاه الله خيرا. بس كنت أعطيت الآية لأن كان في النقطة الحمراء، جافي البوان روج، سيتي بور تو دوني فيرسي كورانيك، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فذكر بعض أهل التفسير أن الذكر الأول المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة لتبين به القرآن. هذا اللي كنت أردت الدعم، يعني أني حتى أتعاون معك بارك الله فيك، فأعطيت جدوني لا تراديكسيون باسكو جي با بي ليكريغ ان عرب افيك لو كلافي هنا، ما نجيبش نكتب العربية، فجي ليكري جي مي ان فرونسي. جزاكم الله خيرا والحمد لله، ونحن معكم نسمع شوية ثم نخلوكم إن شاء الله جو بارتيكي. بارك الله فيكم، الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. صلى الله أن ينفع بدروسك التي اشتاق إليها إخوانك، التي اشتاق إليها إخوانك بإذن الله سبحانه وتعالى. Je disais que c'est des ulama aussi qui expliquent les hadiths. Ce n'est pas nous qui expliquons. Écrivez-moi un si vous m'entendez. Ce n'est pas nous qui expliquons les hadiths. Ce sont les ulama qui sont, naam, ce sont les ulama qui sont les médiateurs. Les médiateurs. Les ulama, les médiateurs entre qui? Entre Allah Azza wa Jal et ses créatures. Pas d'entrée à la téléphone. Tfadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Khalas, tahlik le bab, inshallah. Très rare. Une seconde, j'ouvre la porte à quelqu'un. Salam wa alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Je disais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous les prophètes, il a dit comme ça, nous les prophètes, quand on meurt, on ne laisse rien, ni dinar, ni rien. Et qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse l'ilm. Il laisse l'ilm. C'est pour ça que quiconque est un savant, ou bien al-aql, il essaye d'être comme les savants, c'est quelqu'un qui a hérité des prophètes. On dit celui-là, on parle d'un savant, on dira c'est un héritier du prophète. Les autres, ce sont les héritiers de quoi? Ils héritent la voiture et l'argent et les palais, mais ils n'héritent rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une grande chose que d'hériter, de quoi? Être l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les takfiriyens, ils essayent quoi? Ils essayent de couper le lien qu'il y a entre nous et les ulama. Le takfiri, quel est son but? Il essaye de t'éloigner des ulama. Pour que quoi? Pour que si jamais lui, il dise quelque chose, tu lui dis tu as raison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ulama qui vont montrer qu'il est en erreur. Les takfiriyens, comme ça, il fait. Il t'éloigne des ulama. Ils te disent, les ulama, en fin de compte, ils ne disent pas la vérité. Les ulama, ils vivent avec le roi, etc. Ils profitent de l'argent, des villas, etc., et des voitures. Ils ne lui disent pas la vérité. Ils ne disent pas le haq, etc. Ça, ce sont les takfiriyens qui font comme ça. Et Allah Azza wa Jal te demande de suivre les ulama. Le takfiri, il veut couper le lien entre toi et les takfiriyens. Comme ça, lorsque le takfiri, l'ignorant et l'ignare, qui est sorti de l'école en cours élémentaire, première année, il va prendre le Coran et l'expliquer, comme ça tu vas le suivre. Hein? Comme ça, tu vas le suivre. Ben Laden, qui n'a jamais fait des études dans le din, qui est un ingénieur en agriculture ou là, maintenant je dois suivre Ben Laden et je ne suis pas le Fawzan. Parce que le Fawzan, et Sidlan, et Sidhan, et Cheikh Al-Sheikh, tout cela ne savent pas. La preuve, c'est que c'est Ben Laden qui connaît le din. C'est lui qui dit il faut faire le djihad. Et le Fawzan et les autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on est au moment du djihad et qu'il faut faire le djihad. Donc il ne faut pas les suivre cela. Suivez Ben Laden, il va vous montrer la vraie route. Moi je dis استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Quand le ghurur rentre dans les cœurs, le ghurur, on s'éloigne des ulama, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal nous a voulu la fin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, à peu près sans sens, mais il est sahih, il est dans le Bukhari et les autres. Il a dit, l'un des signes de la fin du monde, c'est que vous cherchiez la science chez un petit. quelqu'un de petit, qui n'a jamais fait des études peut-être islamiques, quelqu'un qui est arrivé au cours moyen 1, il est sorti de l'école. Il a ouvert le Coran, il a appris sa hadith. Celui-là, tu vas apprendre le ilm chez lui, et tu ne vas pas apprendre chez le Fawzan et chez les grands ulama, hafidhahumullah. من أشرة ساعة يلتمس العلم السلام رحمة الله من أشرة ساعة يلتمس العلم عند الصغائر هو قاضي si si le si les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم qui ont vécu avec lui رضي الله تعالى عنهم pas loin de lui avec lui qui l'entendaient jour et soir une fois ils étaient en voyage sans le prophète صلى الله عليه وسلم n'était pas avec eux et il y a quelqu'un qui est tombé de son chameau ou de sa monture contre un caillou, il est tombé sur sa tête. Ça lui a fait un trou dans la tête. Autrefois, il n'y a ni ambulance, ni hôpital, ni rien. Au maximum, on lui donne un foulard ou là, et on l'attache comme ça, il descend vers son cou, on lui met quelque chose à l'intérieur, du henné ou n'importe quoi, ce qu'il y avait à l'époque, ça c'est le maximum. Ensuite, deux jours ou trois après, il s'est endormi. Il a vu en songe quelque chose, puis il s'est réveillé le matin avec un janaba. Il doit faire le lavage majeur. Il doit le faire, il est janaba. Il ne peut pas faire la prière. Il a dit, je demande. Ce sont les compagnons du prophète. Il a demandé, est-ce que je peux faire la prière, par exemple avec le tayammum, j'ai peur de l'eau. On lui a dit, jamais, on ne te trouve pas de permission. Il faut que tu fasses le lavage majeur. Il est allé prendre de l'eau, il a fait le lavage majeur, et 5 minutes après, ou 10 minutes, ou une demi-heure, il est mort. La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu vent de ce qui s'est passé, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, qataluh. C'est Allah Azza wa Jal qui fait mourir quelqu'un, ça? Le prophète a dit, ce sont eux qui l'ont tué. Qataluh. Qatalahum Allah. Ensuite, il a fait un dua contre eux. Qataluh. قاتلهم الله الحمد لله يا حديث صحيح في مسلم كي دي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a demandé à Allah يا Allah quiconque m'énerve ou l'ai fait un doua contre lui ne le compte pas mets-le comme une zakat pour eux يعني rend le hasanat الحمد لله qu'il y a ce hadith car il a fait un doua contre eux il a dit قاتلهم الله ensuite il a dit Allah أو هل سألوا إذ لم يعلموا ألا سألوا إذ لم يعلموا pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils n'ont pas connu cette fatwa pourquoi n'ont-ils pas demandé puisqu'ils ne savaient pas la réponse pourquoi n'ont-ils pas demandé ensuite il a dit إنما شفاء العي سؤال il a dit la guérison شفاء العي la guérison de l'ignorance c'est la question comme ça dit le prophète صلى الله عليه وسلم La guérison de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. L'ignorance ici, c'est quoi? C'est le djahl. Le djahl, l'ignorance, l'a appelé, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a appelé, c'est une maladie. Car il a dit, cette maladie, qui est l'ignorance, se guérit par quoi? Se guérit par poser des questions au ulama. Poser des questions. Donc, quiconque de nous ne connaît pas bien le din, il est malade. Il a besoin d'aller au docteur qui le alam, le savant. Et le savant, qu'est-ce qu'il lui donne? C'est quoi le médicament? Il va lui donner Aspro ou là, qu'est-ce qu'il est Panadol? Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne l'ilm. Le médicament, c'est l'ilm. Il lui donne la réponse. Donc là, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce qu'ils ont dit. Et voilà ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de ceux qui n'ont aucune connaissance dans le ilm? Et ils s'assoient et ils font des fatwas aux gens. Moi, je donnerai un exemple très simple pour vous parler du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de la salat, il a dit trois choses, ou bien trois créatures, si elles passent entre toi et la sutra, elles t'annulent la salat. Il y a trois choses. Si elles passent entre toi et la sutra, elles t'annulent la salat. Toi, quand tu vas faire la salat, tu mets quelque chose devant toi. Lorsque tu t'approches du mur, ça s'appelle la sutra. Tu en mets quelque chose pour ne pas laisser les gens passer entre toi et la qibla. Le prophète, alayhi sallam, il a dit, il y a trois qui, s'ils passent entre toi et la sutra, ta salat est annulée. il a cité le l'âne, il a cité le chien noir. Ensuite, il a dit en arabe, il a dit والحائض. الحائض, c'était comme ça dans le hadith. الحمار الكلب الأسود الحائض. الحائض, c'est celle qui a les monstres. الحائض. Donc, moi, si je ne vais pas demander au ulama c'est quoi le sens du hadith, ou bien je ne vais pas lire les livres, etc., si quelqu'un va me demander quelles sont les choses qui coupent à nous la salat, je vais lui dire, je vais te dire, c'est très simple. La guérison, ce qui n'est pas clair, Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on me demande quelles sont les choses qui coupent les salats, je vais leur dire, il y a un hadith sahih, Bukhari et les autres, qui a dit que si l'âne et le chien noir et la femme qui a les monstrues passent devant toi, ta salat est annulée. Alors que le vrai sens du hadith, qu'est-ce que ça veut dire ici, la femme qui a les monstrues? C'est pas la femme qui, ce jour-là, quand elle est passée, elle était indisposée. C'est pas ça. Ça veut dire chaque fille qui est devenue à l'âge d'avoir les monstrues. Chaque fille qui est pubère est devenue pubère, ça y est. Si elle passe entre toi et la sutra, ta salat est annulée. Mais si je n'étais pas revenu au hadith, au sharh, explication, j'aurais pas su cela. Le hadith a dit al-ha'id, celle qui a les monstrues. Donc d'après moi qui explique comme ça de ma tête, si je fais la prière et une femme passe, je lui dis excusez-moi, est-ce que vous êtes indisposé aujourd'hui pour savoir si ma salat est vraie ou n'est pas vraie? La hawla wa la quwwata illa billah. Alors qu'il suffit que je vois seulement à peu près son âge. Si elle a plus de 15 ans, ma prière a été annulée. Pourquoi? Parce que le maximum pour un homme et la femme, c'est 15 ans. Si un garçon ou une fille a 15 ans, il n'a rien. Il n'a ni poil, ni janaba, ni sang. Le din islamique, il dit, khlas, il est pubère. Celui-là, il est pubère. Même s'il n'a pas de sang, elle est pubère. Al-Mu'im. Prenez par exemple le deuxième hadith. Imaginez le deuxième hadith que je vais dire. C'est un hadith sahih aussi, pour ceux qui expliquent de leur tête, par exemple, de leur tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yaqbalu Allahu salata ha'id illa bi khimar. Il a dit en arabe, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la salat d'une femme qui a les monstrues, sauf si elle met un foulard sur sa tête. La yaqbalu Allahu salata ha'id illa bi khimar. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la prière d'une femme en monstrues, sauf si elle met un foulard sur la tête. Déjà, c'est un problème. La femme, en général, dans la prière, elle doit mettre un foulard. Pourquoi seulement quand elle a les monstrues, elle met le foulard? Ensuite, comment va-t-elle faire les prières avec les monstrues? Je comprends pas. Non, tu comprends pas parce que tu as expliqué ta tête. Parce que tu n'es pas revenu au ulama. Ulama, ici, on dit, en monstrues, ça veut dire à atteindre l'âge d'avoir les monstrues. C'est comme le hadith que je viens de dire il y a une minute. Quiconque à atteindre l'âge d'avoir les monstrues, l'âge n'accepte pas sa salat si elle ne met pas un foulard quand elle fait la salat. C'est-à-dire si elle fait la salat à visage découvert. Ce qui veut dire que toute fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, si elle fait la salat, même le visage, la tête découvert, si ça se fait, ce n'est pas grave. Et seulement on lui dit de faire pour qu'elle s'habitue. Car si on la laisse faire sans foulard, elle va prendre cette mauvaise habitude et peut-être elle ne le mettra même pas après être pubère. L'ay, c'est la chose qui n'est pas claire. Et beaucoup d'ulama ont dit al-jahl. Naam, ils ont dit al-jahl. Innama shifa ou l'ay. Shifa, c'est le médicament, la guérison du ay. Ay, c'est une maladie, c'est quoi? C'est al-jahl, c'est l'ignorance. Quand on est ignorant, ça veut dire on est malade. Quand on est malade d'ignorance, il faut aller chez le médecin. Le médecin, c'est qui? C'est le savant. Le savant, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un médicament. Quel est son médicament? Il t'apprend le din. Voilà, quiconque de nous ne connaît pas le din, il est malade. Il faut qu'il aille vite chez qui? Chez le médecin. Le médecin, c'est qui? C'est les ulama. Les ulama, qu'est-ce qu'ils te donnent? Le ilm. Donc, on est tous plus ou moins malades, comme vous devez le savoir. Maintenant, inshallah ta'ala, on commence donc notre livre. J'ai donné une idée sur le hadith, etc. Je commence, inshallah ta'ala, le hadith. On fait deux ou trois, inshallah, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, الصحابي dans ce hadith, أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani en ce sens, Allah Azza wa Jalla m'a donné 70 000 de ma nation qui vont rentrer le Jannah bi-ghayri hisab. 70 000 de ma nation vont rentrer le Jannah comment? Bi-ghayri hisab. Sans qu'ils yani, qu'ils aient le jugement le jour du jugement dernier. Vous savez que le jour du jugement dernier, tous, il faut qu'il y ait la balance, il faut qu'il y ait le calcul, le jugement, etc. Ensuite, tu sauras si tu vas partir yani, en enfer ou bien tu vas partir au paradis. Cela, 70 000, Allah Azza wa Jal les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aille directement au paradis sans calcul. Allah Azza wa Jal les nij'alana wa iyyakum minhum. Allah Azza wa Jal an yaj'alana wa iyyakum minhum. Allah Azza wa Jal an yaj'alana wa iyyakum minhum. Donc, cela bien sûr, c'est un grand grand mérite, subhanallah al-azim. Un grand grand mérite de rentrer au paradis sans passer par le calcul et le jugement. Ça, yani, ce n'est pas quiconque qui va yani, être parmi les 70 000. Maintenant, le prophète Islam, quand il va parler de ces 70 000, et ce qui est intéressant, il a dit dans un autre hadith, il n'a pas dit ici, on lui a demandé qui sont ces 70 000, il a dit Humul ladina la yastarqun wa la yatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Il va montrer quels sont les 70 000 qui vont rentrer comme ça, comme j'ai dit, sans passer par le hisab. Et ce hadith a dit quoi? A dit que les 70 000 qui vont rentrer sans calcul, chacun a avec lui 70 000 autres. Masha'Allah. Ça veut dire que tu fais la multiplication 70 000 par 70 000, tu vas trouver quel est le nombre des gens qui vont rentrer au paradis sans passer par le calcul. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna minhum. Qui sont donc ces 70 000 multipliés par 70 000? Qui sont-ils? Il a dit humul ladina la yastarqun. Ce sont ceux, ils ont quatre qualités. Ce sont ceux qui ne cherchent pas la ruqya. Ce sont ceux qui ne vont pas demander je suis malade, yani fais-moi une ruqya ou bien donne-moi un médicament. Mais les ulama sont entrés dans bien de détails dans cette première condition. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Premièrement, quand tu demandes à quelqu'un la ruqya, etc., ça veut dire que c'est toi toujours le faible. Pourquoi? Toi tu demandes, et l'autre c'est le demandé, il est mieux que toi. Toi tu demandes, quand on demande, on est toujours, yani là, faible. Hein? Deuxièmement, on a laissé Allah Azza wa Jal et on a demandé à une autre personne. Troisièmement, les ulama ont dit, ceux-là demandaient la ruqya qui n'est pas permise par la charia. La ruqya, quand tu vas à quelqu'un et tu fais la ruqya, premièrement, tu essaies de commencer toi-même. Tu fais la ruqya toi-même. Tu craches sur tes mains, tu lis qula wallahu, qula adu barb salak, qula adu barb nas, tu t'essuies, tu mets un peu d'huile d'olive, tu craches un peu dessus, tu lis quelque chose, tu te masses avec cette huile ou bien tu en bois. Alhamdoulilah, maintenant ça ne marche pas, tu vas demander la ruqya chez quelqu'un qui est salafi, c'est pas quelqu'un de mubtadi, etc. Et la ruqya dit pour qu'elle soit vraie, et pour qu'elle soit en arabe. Il ne faut pas qu'elle soit dans une langue qui n'est pas comprise. Car celui qui te fait la ruqya, il peut parler avec des djinns et des esprits, etc. pour essayer de t'enlever ton problème. Mais il va t'enlever ton problème deux ou trois jours, un mois ou deux mois. Ensuite, les djinns nado, ils vont te faire de grandes mashakils. Pourquoi? Parce qu'il les a envoyés, le sorcier hada, il les a envoyés chez toi pour t'aider. Ensuite, ça leur plaît chez toi, ils trouvent une femme belle, ils trouvent un. Ils disent pourquoi moi je pars? Moi je reste là. C'est comme tu envoies un soldat en mission, il ne revient pas. Il dit moi je trouve, et j'ai tout ici, pourquoi vais-je revenir là-bas? Ensuite, la personne est pleine de machakels. Donc il faut qu'il ne soit pas un sorcier, il faut qu'il soit quelqu'un de sunni, qu'il fasse en arabe afin que tu comprennes qu'il est ou bien en train de lire le Coran, ou bien il est en train de faire des douas. اللهم اغفر دي بقوم اللهم اشفي اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي mais s'il commence à dire comme ça des mots que tu comprends pas tu l'arrêtes non pardon toi tu es un muftadir tu es un sorcier salam alaikum moi c'est pas ce genre que je cherchais et ensuite la ruqya a dit la ruqya il faut la faire quand il y a quelque chose c'est pas avant qu'il y ait quelque chose autrefois il n'y a rien il va faire la ruqya maintenant c'est devenu la mode il a la dent qui lui fait mal, il lui fait mal ruqya il a l'oreille qui lui fait mal il va chercher la ruqya il a juste étourdi un peu la tête il va vite chez la ruqya maintenant les gens à la tarafe et naqid il y a deux sortes de gens contradictoires le premier il ne cherche jamais la ruqya dès qu'il est malade il court chez le médecin à 180 à l'heure il ne connaît ni la ruqya ni il ne l'aime wala hawla wala quwwata illa billah commence par des douas commence par faire la ruqya toi-même ensuite ça marche pas va chez le médecin commence toi d'abord par au moins la ruqya au moins c'est faire des douas à Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah qu'il te guérisse demande à Allah qu'il t'aide demande à Allah qu'il enlève ça de toi ça c'est le premier groupe ils ne connaissent pas la ruqya et peut-être même qu'ils l'aiment pas le deuxième groupe le contraire une dent il court chez la ruqya je vois pas mal j'ai mal aux yeux la ruqya mon ventre se me fait mal la ruqya ah c'est pas comme ça c'est pas comme ça la yani que l'islam a voulu de nous en ce qui concerne maintenant quelqu'un qui est malade est-ce qu'il va chez le médecin il va pas parce que la ruqya c'est aussi le ça rentre la médecine à l'intérieur parce qu'il va au médecin quelqu'un qui est malade il ne va pas il commence d'abord par faire attacher son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala car le médecin ne va rien faire si Allah ta'ala ne va pas te guérir le médecin ne guérit jamais il faut que vous le sachiez le médicament ne guérit jamais il soigne le médicament et le médecin te soigne et Allah azza wa jalla le guérit c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama tabibullah dans le hadith sahih de Abu Daoud le tabib, le docteur c'est Allah il a dit c'est Allah Azza wa Jal qui guérit personne qui peut te guérir ensuite j'ai dit en ce qui concerne aller chez le médecin ou ne pas aller Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah il a dit on divise ça en trois sortes la première sorte tu es malade et tu sais que tu es très malade et tu sais que si tu vas chez le médecin il va te donner quelque chose ou là tu vas subir une opération à 90% Cette opération va réussir. Tu as une maladie grave et à 90%, si tu fais l'opération, les médecins ont dit qu'il faut faire l'opération, à 90%, si tu la fais, tu vas guérir. Cela, ils ont dit, tu dois faire. Tu dois ici, obligé de te guérir, de te soigner. Le deuxième cas, ils ont dit, tu es malade et ce n'est pas à 90%. Seulement, à 60%, si tu vas faire l'opération, tu vas guérir. Ça a été prouvé, gagné. Dans l'habitude, on a vu des gens, ils l'ont fait, ça a réussi. Seulement, c'est 60%. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, dans ce cas, c'est bien de la faire, c'est mustahab. Il vaut mieux que tu la fasses. Il vaut mieux que tu la fasses, cette opération, car à 60%, elle a donné des résultats. Ensuite, il a dit, maintenant, troisième cas, c'est 50%. Le médecin te dit, écoute mon frère, ta maladie nécessite une opération. Cette opération à 50%, tu vas, Inch'Allah ta'ala, être guéri, soigné. À 50%, elle ne réussit pas, tu vas mourir. 50-50%. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah a dit, ici on ne fait pas l'opération. On ne la fait pas. On lui dit merci et on va à la maison. Pourquoi? 50% elle va réussir. Mais il y a aussi des 50% où je vais mourir. Donc moi je préfère ne pas jouer avec le feu. Ils ont dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ici, tu ne fais pas cette opération parce que c'est seulement 50. Si c'était 60%, c'est mieux de la faire. Si c'est 90%, elle réussit, tu es obligé de la faire. Tu ne la fais pas, tu as des péchés. Tu as des péchés. Donc il a dit, les 70 000, ce sont ceux qui, yani, ne courent pas comme ça. Il commence par faire des douas, il commence par faire la ruqya eux-mêmes. Ensuite, ils font la ruqya. Et s'ils la font, il faut qu'elle soit une ruqya shar'iyya. Sharia, comme j'ai dit, c'est pas la ruqya des sorciers. La ruqya sharia avec le Coran, avec Edea. Si tu vas chez un médecin, il faut aussi que ce qu'il va te donner, yani c'est pas il va te faire boire la bière, il va te dire ça, ça guérit, ou bien il va te dire ça soigne, ou bien il faut que ça soit. Il faut que ça soit donc quelque chose de, comme j'ai dit, de halal. La deuxième des choses, il a dit, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Ceux-là, les 70 000, multipliés par 70 000, il faut qu'ils ne soient pas, façon de dire le mot en français, superstitieux. Superstitieux. Il sort de la maison, il rencontre un chat noir, il revient à la maison, il dit, je ne vais pas au travail, car je vais faire un accident. Pourquoi ? Parce que j'ai vu un chat noir. Il est dans sa maison, il lève la tête au plafond, il voit une araignée. Il va dire, puisque j'ai vu l'araignée, demain je vais perdre un des enfants ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle la superstition. Ça, c'est le shirk. La superstition, le prophète Al-Islam a dit, c'est du shirk. Et beaucoup, beaucoup, mal-assef, quand il voit quelqu'un, par exemple, il dit, ah, puisque celui-là est présent avec nous, donc ça ne va pas marcher. Puisque j'ai rencontré X aujourd'hui, donc, et aujourd'hui j'ai le baccalauréat, donc je vais perdre. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré X. Ce X-là, il porte malheur. Ça s'appelle porte malheur. Quiconque a dans son cœur cette chose, c'est du shirk. Il doit vite faire le repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu marches dans la route, sur la route, tu marches. Ensuite, tu veux aller, par exemple, au travail, ou là, tu veux aller, par exemple, je ne sais pas où, chez le boulanger. Ensuite, tu trouves quelque chose, et tu te dis, à cause de cette chose, j'ai peur, etc. Donc, je vais revenir à la maison. Il a dit, il ne faut pas revenir. Il a dit, il faut que tu continues ton chemin. Et que tu dises que, Inch'Allah ta'ala, rien ne peut m'arriver, sauf si c'est écrit en haut, chez Allah Azza wa Jal. Il n'y a ni chat, ni araignée, ni serpent, ni pigeon, ni rien qui puisse faire changer ce qui est écrit sur le tableau préservé, chez Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Ce n'est pas une petite araignée qui va changer mon destin, ni un chat noir, ni une personne qui porte malheur. Tout ça, c'est du shirk. Il faut bien en prendre garde. C'est très dangereux à quelqu'un qui meurt avec, s'il y en a, il croit en ces choses. S'il croit en ces choses. Ensuite, il a dit, « Wa la yakta'un. Wa la yakta'un. » Les 70 000 ne font pas, l'iktiwa, c'est se brûler. Hein? Il y a des fois, on est malade, on va chez quelqu'un, il nous brûle. Il nous brûle, il prend par exemple quelque chose, un morceau de fer ou là, il le fait chauffer, il me brûle ma main. Ça, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu veux être des 70 000, il ne faut pas faire cela. Et pourtant, il y a un autre hadith qui dit que trois choses sont très bénéfiques. Il a dit le miel, il a dit celui qui t'enlève le sang du cou, ça s'appelle hijama, et il a dit el kay, il a dit la brûlure. Donc les ulama ont joint entre les deux hadiths, on dit na'am, la brûlure, tu la laisses comme dernière étape. Rien n'a marché, tous les médicaments n'ont pas marché, il y a quelqu'un qui te dit, j'ai une solution, c'est la dernière. Tu lui dis quoi? Il te dit, on te brûle, la plaie hadith, tu vas inshallah ta'ala guérir. Là, tu peux le faire inshallah ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est la dernière solution, et puis parce qu'il y a un hadith qui dit que la brûlure, je l'appelle la brûlure en arabe, on dit kay. Et kay hada, ça guérit, naam. Mais tu ne commences pas par lui. Tu le laisses en dernier lieu. Et autrefois, les gens le faisaient avant d'être malade. Il n'a rien, il voit quelqu'un qui a une plaie dans sa main, il a peur, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se brûler, il va dire comme ça, je ne vais pas avoir cette maladie. Tout cela, c'est haram. Pourquoi? Il rentre dans les 70 000, il ne rentre pas dans les 70 000 dont je viens de citer. Et quatrièmement, il a dit, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ça veut dire, il faut que tu aies le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que toi, quand tu prends quelque chose, tu dis par exemple, je vais prendre un médicament, il faut que tu te dises dans ton cœur que c'est Allah Azza wa Jal qui va me guérir et ce n'est pas le médicament. Si tu te dis, c'est le médicament qui va me guérir, tu rentres dans le shirk. Et si tu es vraiment malade et tu laisses le médicament, tu rentres dans le péché. Donc tu es vraiment malade, tu ne prends pas le médicament, tu rentres dans le péché. Le prophète alayhi salam m'a dit tadawou, yani soignez-vous. Naam, passez sa confiance en Allah azawajal. Maintenant, c'est pour ça que tu trouves les gens aussi ici deux sortes contradictoires. La première sorte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie Allah azawajal. Dès qu'il se passe quelque chose, directement le médecin d'ambulance, l'hôpital, il oublie que au moins il fait un doua auparavant, au moins qu'il demande à Allah azawajal une chose, au moins il fait le lien entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc beaucoup de gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne pensent qu'à la chose elle-même et ils croient que c'est la chose elle-même qui va te guérir. Cela, il rentre dans le shirk. Si tu crois qu'une chose en elle-même peut te guérir et que ce n'est pas Allah qui t'a dit de la prendre, ça, tu rentres dans le shirk. Aucune chose ne peut te guérir. Aucun médicament ne peut te guérir que si Allah azawajal le veut. Ensuite, Allah azawajal peut te guérir aussi sans médicament s'il veut. C'est pour ça que toi, tu prends le médicament et tu dis dans ton cœur que c'est Allah qui va me guérir. Beaucoup de gens ont pris de médicaments et ne sont jamais guéris. Jamais au grand jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu mettes dans ton cœur et que tu aies la confiance en Allah azawajal ta'ala que c'est lui qui te guérit. Ça, c'est la première sorte. La deuxième sorte, il y a quoi? Certains qui disent, moi, je marche seulement avec le tawakkul et la confiance d'Allah azawajal. Je n'ai besoin ni de médecins, ni d'hôpitaux, ni de médicaments. Celui-là aussi, il s'est trompé. Car toi, quand tu vas chez le médecin, ce n'est pas parce que toi tu veux, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit d'y aller. Ensuite, le médicament, quand tu le prends, le médicament, c'est parce que Allah azawajal a fait de ce médicament quelque chose qui guérit. Le médicament, c'est quoi? C'est des plantes, telle plante. La plante, elle est d'où venue? C'est quelqu'un qui l'a créé. C'est l'azur qui a créé cette plante. Et c'est l'azur qui a dit que si tu mélanges cette plante avec l'autre plante Y, ça va donner des résultats. Et les médecins, l'azur leur a donné des cerveaux pour qu'ils aient compris cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il n'y a pas de maladie sans qu'il n'y ait de médicaments. Chaque maladie a son médicament. Si tu vas me dire, toi, le cancer, on n'a pas trouvé son médicament. Ses médicaments. Le sida, on n'a pas trouvé. Je vais te dire, certes, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de ce hadith, il a dit, il n'y a pas une maladie que Allah azawajal n'a pas fait descendre sans qu'il n'ait descendu son médicament. Ensuite, il a terminé le hadith, il a dit, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yani, soit que vous ayez su cela, soit que vous l'ayez ignoré. Donc le sida, il a son médicament. Le cancer, il a son médicament, mais c'est nous qui ne l'avons pas encore trouvé. Car c'est une maladie que l'azur l'a fait descendre avec son médicament. Quand l'azur descend une maladie, en même temps, il descend son médicament avec sa maladie. Donc, c'est la faute de qui? C'est la faute, notre faute. C'est nous qui devons étudier encore plus et chercher et demander à l'azur qu'il nous aide pour que le jour où tu trouveras, inshallah ta'ala, ce médicament. J'ajoute maintenant un hadith ou deux et j'arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أحفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith أحفوا اللحى, et par des hommes, il a dit laissez-vous pousser la barbe, laissez-vous pousser la barbe. Un homme qui ne se laisse pas laisser la barbe sans raison valable, je dis raison valable, des fois il a quelque chose, yani il doit enlever sa barbe parce qu'il a beaucoup de, yani quelque chose dans la tête, il doit mettre des médicaments et des pommades, etc. Je parle de quelqu'un normal, s'il ne laisse pas sa barbe pousser, s'il meurt, il a un péché. Certains ulama ont dit que des fois se raser la barbe, ça peut dépasser la zina. Ils ont dit parce que la zina, tu l'as fait, ça ne dure pas plus de 5 minutes. Tu allais pécher pendant le temps où tu faisais et ça ne dure pas plus de 5 minutes. La barbe, elle est tout le temps rasée avec toi. Tu as 30 ans que tu es sans barbe. 30 ans, les péchés sont en train d'être écrits. Donc, ce n'est pas une chose facile. Et faire la différence entre un homme et une femme, c'est très très très demandé en islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit par exemple la femme qui s'habille comme l'homme et l'homme qui s'habille comme la femme. Il a maudit l'homme qui ressemble à la femme, maudit la femme qui ressemble à l'homme. Et on doit faire une différence. Maintenant, mal asif, tu vois quelqu'un, tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et tu demandes yani à ton ami, tu lui dis, Oula, j'ai pas encore retrouvé. C'est un homme ou c'est une femme. Pourquoi? Parce que ils font pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire. Donc, si je vois quelqu'un directement avec la barbe, directement je dis c'est un homme. Maintenant, parce qu'il a rasé la barbe, maintenant, ensuite qu'il a marché d'une démarche spéciale, etc. Maintenant, je ne sais plus si c'est un homme ou si c'est une femme. Ensuite, la femme a mis un blue jean serré. Elle a mis une casquette sur la tête et une cigarette dans sa bouche. Maintenant, je ne sais plus celui-là si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, il faut bien prendre garde pour les hommes qu'ils doivent, inshallah ta'ala, laisser leur barbe pousser. Ils doivent, pour rencontrer Allah Azza wa Jalla demain, réjouir. Ensuite, il a dit, wa jizzu shawarib, la barbe, tu la fais pousser, mais la moustache, tu la laisses pas grande jusqu'à ce qu'elle descende jusqu'à la lèvre intérieure en bas. Ensuite, quand tu manges, elle est pleine de quoi? Elle est pleine de poussière, etc. Donc, tu vas avaler tout ce qu'il y avait dans la partie qui descendait pas en bas. Certains laissent des moustaches, je ne sais pas comme qui. Ensuite, ici à droite et à gauche, il la boucle, hein, il la boucle comme Zorro, je ne sais pas celui qui fait comme ça. Nous, les musulmans, comme les juifs, non, les juifs, barakallahu, les musulmans, ils ont quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'ils doivent suivre. Car Muhammad ibn Abdullah, si tu le suis, tu vas rentrer au paradis. Et le juif, si tu fais comme lui, tu vas aller en enfer. Donc, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu le suis, il ne te montre que les choses qui te rapprochent d'Allah azza wa jal. Il ne te montre que les choses qui vont te faire rentrer au paradis. Naam. Et certains qui disent par exemple, le prophète alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit, jizzu shawarib. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, jizzu, c'est comme tu vas au mouton, tu prends l'appareil le rasoir, tu lui coupes la laine. Il a dit, moi je vais faire la même chose. Je vais au coiffeur, je demande le rasoir électrique et il m'enlève la moustache. Celui-là, on lui dit, tu t'es trompé deux fois. La première fois que tu t'es trompé, tu as marché seulement avec ce hadith. Comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas joint ce hadith à d'autres hadiths. Voilà la première fois. Quel est l'autre hadith auquel tu dois joindre cela pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici, raser la moustache, pour que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis dans la mosquée, dans un hadith rapporté par Cheikh Al-Albani, authentifié dans Sahih Abu Daoud. Il a dit, il était assis dans la mosquée, quand Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu ta'ala anhu, est rentré à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Al-Mughira avec une moustache assez longue, comme je venais de dire maintenant, qui descendait sur la lèvre supérieure. Elle descendait. Certains ont une moustache, c'est comme s'il avait, sur sa bouche une grande crevette. Ah, tu prends une grande crevette, tu la mets ici, avec plein de trucs qui descendent à droite, à gauche, ils descendent en bas. Non, je vais te montrer comment c'est la sunna. Donc, Mourir ibn Shu'ba, radiallahu ta'ala anhu, est entré à la mosquée, il avait une grande moustache qui descendait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je te la paille avec le siwak? Al-Turid an aqussaha lak ala siwak? Veux-tu que je taille ta barbe avec un siwak? Il a dit oui, bien sûr. Subhanallah al-Azim. Je voudrais pas que le prophète me taille ma moustache. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le siwak, il l'a mis au-dessus. Bon, au-dessus, c'est en haut. Au-dessous. Il l'a mis au-dessous de sa moustache. C'est-à-dire, quand tu descends en bas, akhirchi, la lèvre supérieure en haut, akhirchi en bas. Il l'a mis en bas. Et Il a pris quelque chose, je ne sais pas, des ciseaux, un mouton, pardon, un couteau, je ne sais pas ce qu'ils avaient autrefois, et lui a taillé ce qui est descendu plus du siwak. Ce qui est descendu en bas du siwak, il le lui a coupé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si ça se rasait la barbe, le prophète al-islam n'aurait pas oublié de lui raser la moustache, pardon, pas la barbe. Je parle de la moustache. Si la moustache se rasait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'aurait pas fait sortir son siwak pour lui couper juste ce qui dépassait par le bas. Il lui aurait dit, approche que je te rase ta moustache. C'est pourquoi l'imam Malik, alayhi rahmatullah, dans son madhhab, il dit, celui qui rase la moustache, il a fait la mousla. La mousla, c'est comme quelqu'un de mort, par exemple, ou là, même de vivant, tu lui enlèves par exemple une oreille, tu lui enlèves le nez. Comment qu'il devient celui-là? Il devient défiguré. La même chose. Malik, alayhi rahmatullah, l'imam Malik a dit, quiconque rase sa moustache comme ça à fond, il a fait la défiguration. La défiguration. C'est pour ça qu'il a dit, moi je le frappe, c'est-à-dire j'ordonne de le fouetter. Ou bien 4 coups, ou bien 5 coups, ou bien 6 coups. Pas plus de 10. Plus de 10, c'est interdit en islam, c'est ta'zir. Il faut que ça soit un had. Il a dit, moi je le frappe 5, 6, 7. Pourquoi? Pour qu'il ne refasse plus cela. Maintenant, beaucoup de gens, mal-assaf, se rase la moustache à fond. Surtout les Égyptiens et les Soufias et les Moubtadi'a et beaucoup de gens de l'Azhar. Ils se coupent la moustache à fond. Jusqu'à. Moi, des fois, je m'étonne. Je vois certains Égyptiens ici. Je me dis, pourquoi, quand ils se voient dans la glace, pourquoi ils ne voient pas qu'il est défiguré? Ensuite, je plains aussi sa femme. Si c'est une ourte et lui si c'est un ar, je lui dis pourquoi sa femme qui est une ourte, pourquoi elle lui dit pas, il n'est pas question de dîme, mais lui dit écoute, tu es devenu par exemple comme un singe, pourquoi elle lui dit pas cela? Parce qu'il devient, il fait peur quand il enlève, quelqu'un laisse la barbe et il enlève toute la moustache, il devient, il fait peur. Je disais, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ghayyiru shaybakum shayb. Ensuite, il a dit, yani changer, shib, vous savez c'est quoi? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein? Quand on a des cheveux blancs, par exemple, la barbe, on la blanche. Comment qu'on dit blanche? Quand elle devient blanche, on a dit X, c'est un shib, khala, c'est un shib. Sa barbe a blanchi, ses cheveux ont blanchi. Comment qu'on dit ça en français? Shib, ça j'ai oublié, ça fait longtemps que je n'ai pas employé ce mot. Vieillir, c'est pas vieillir. On peut vieillir sans avoir des cheveux blancs. Je peux avoir 80 ans et avoir les cheveux noirs. Il y a un mot, un autre mot. Vieillir. Il y a un autre mot. Al-Muhim. Inch'Allah ta'ala, je vous donnerai le mot la prochaine fois. Je voulais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand quelqu'un il a commencé à avoir la barbe blanche, à avoir les cheveux blancs, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait changer. Il les fait changer, il ne les laisse pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ce sont les juifs et ce sont les chrétiens qui laissent la barbe blanche. Ça, le chrétien, le juif, tu le trouves à 80 ans, une barbe blanche. Le musulman, non. Le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il achète quelque chose et il la met sur ses cheveux et sur sa barbe pour ne pas ressembler aux juifs et ne pas ressembler aux chrétiens. Les ulama ont dit, il ne faut pas qu'ils mettent quelque chose de noir. De noir. Il faut qu'ils mettent quelque chose, par exemple, de marron clair, marron foncé. Et beaucoup de gens croient que tu es obligé de mettre du henné, le henna. Tu trouves comme ça des personnes, 50 ans, 60 ans, sa tête toute rouge, il teint sa tête avec le henna, elle devient toute rouge. Yani, il croit que c'est obligé d'avoir l'autre rouge. On dit ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé le henna. Tu vas chez le pharmacien, tu lui dis donne-moi une teinture. Une teinture marron qui va un peu vers le noir pourvu qu'elle ne soit pas noire. Et tu mets ça sur ta barbe et tu mets ça sur tes cheveux. Maintenant, je voudrais vous dire une chose, car j'ai terminé. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de changer yani, les cheveux de couleur de poil ou là de cheveux à dos. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Car eux, ils laissent la barbe blanche et les cheveux blancs. Imaginez tellement c'est important de ne pas leur ressembler que l'islam a demandé de changer, a demandé que tu changes, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, trois fois. Il t'a demandé de changer quelque chose que Allah Azza wa Jalla t'a donné. C'est toi, c'est pas toi qui as fait blanchir tes cheveux. C'est l'âge, c'est Allah. C'est pas toi qui as fait blanchir la barbe, c'est Allah. Et pourtant il t'a dit, malgré que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'a donné ça, change-le à cause de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Alors qu'en est-il de ceux qui eux-mêmes font des choses pour ressembler aux juifs et aux chrétiens? Qu'en est-il? Subhanallah al-Azim. Quelque chose qui vient d'Allah, l'islam t'a dit va la changer pour ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Qu'en est-il de ceux qui eux, ils veulent avoir la coupe de leurs cheveux comme les chrétiens et les juifs? Ben, ils veulent s'habiller comme les chrétiens et les juifs, la façon de vivre comme les chrétiens et comme les juifs, faire tout ce que font les chrétiens et les juifs. Qu'en sera-t-il demain lorsqu'ils rencontreront Allah Azza wa Jalla? Qu'en sera-t-il pour eux? Allah qui t'a donné des cheveux, il a rendu blanc et il t'a dit khlas, change-leur de couleur. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Et toi, tu vas t'habiller comme les juifs et les chrétiens et tu vas les imiter en tout. Parler comme eux, vivre comme eux. Là, tu veux les imiter en tout. Celui-là, bien sûr, il a fait, comme vous devez savoir, un grand péché. Pourquoi? Au lieu de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa façon de vivre et de suivre les compagnons, celui-là, il veut imiter les kuffars. Et le hadith a dit, من تشبه بقوم فهو منهم, quiconque يعني, il veut faire comme une nation, il est comme eux. Quiconque donc il veut faire comme les kuffars, il est comme eux, parce qu'il veut le ressembler. Il ne veut pas ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ni à Abu Bakr wa Omar wa Othman wa Ali radiallahu ta'ala anhum. Il veut ressembler à je ne sais pas celui-là, à Jacques et à Jacqueline, à Jean-Pierre et à Françoise. Il veut le ressembler, il veut faire et vivre comme eux. Il ne veut pas ressembler à Othman et Ali et à Aïcha et Hafsa et Salama. Cela, il ne veut pas le ressembler, il veut ressembler aux autres. Donc il faut que le musulman ait l'iman dans son cœur et il faut qu'il aime Allah Azza wa Jalla et son prophète mieux que tout le monde. Il faut qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde. Car c'est lui qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم, que personne ne vous ne sera croyant حتى أكون أحب إليه, jusqu'à ce que je sois plus aimé en lui منه, que son père وولده et ses enfants والناس أجمعين, et que tous les gens du monde. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelqu'un du style être ton père ou la ta mère ou la tes enfants, tu les aimes plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vraie croyance n'est pas encore rentrée dans ton cœur. Certes, tu es musulman, tu n'es pas mécréant, mais la vraie croyance n'est pas encore rentrée. Il faut que tu fasses des doigts pour qu'elle rentre dans ton cœur, car elle n'est pas encore rentrée. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم grisonnement c'est شيب. Grisonnement c'est pas le vieillissement. On peut vieillir et ne pas avoir de شيب. On se rencontre inshallah ta'ala dans 5 ou 10 minutes pour les questions. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On commence inshallah ta'ala. Je demande à mes frères et mes sœurs inshallah ta'ala de ne poser qu'une question, parce que aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps inshallah ta'ala. Que chacun inshallah se suffise à une question inshallah ta'ala. Je viens de revoir aussi le dictionnaire ici. C'est comme a dit Omar Abdullah barakallahu fi, c'est le grisonnement, c'est écrit grisonnement, shibada, c'est le grisonnement. إن شاء الله تعالى مهاجر مدينة، مهاجر توكل على الله سبحانه وتعالى وخذ اللاقيت إن شئت. وعليكم السلام ورحمة الله، فيك بارك الله. استغفر الله، توكل على الله. Le chiffre 70 000 tu as cité par rapport au hadith. Non, les 70 000 que j'ai ajoutés sont dans le même hadith et il est sahih. Le même hadith que je viens de citer, il a dit Atani Allah Azza wa Jal 70 000 min ummati yadkhuluna al-jannah min ghayri hisab. Et dans le même hadith, il a dit Ustazadani ma'a 70 000 ma'a kulli wahid 70 000, pardon. Donc c'est un hadith sahih, c'est pas à titre indicatif, mais c'est un hadith sahih rapporté par l'Albani alayhi rahmatullah azza wa jal. Si vous voulez que je le lise très vite, u'titu 70 000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Ensuite il a dit wujuhum kal-qamar laylat al-badr. Ensuite il a dit quluhum ala qalbi rajul wahid. فاستزدت ربي جي دوموندي انكور الله عز وجل فزادني مع كل واحد 70 000. نعم، une indication par rapport à la bob aussi, cheikh, même dans l'espèce animale. نعم، صح، جزاك الله خيرا، صح. Tu as dit صح والله، même dans l'espèce animale, صح. Vous trouvez que الله عز وجل, en général, il donne la barbe au sexe masculin, même quand il est animal. Naam. Regarde le lion, sah. De la lionne, sah. Le lion, sah. Il a une barbe grande qui descend, sah, de son visage. Barakallahu fik. Même, sah, la crinière, exactement, ça s'appelle la crinière. Tandis que la femelle, elle n'a rien sur son visage. Jazakallahu khairan pour hadihi al-fa'ida. وبارك الله فيك سعيد تفضل جزاك الله خيرا سعيد تفضل سعيد 91 تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ je voudrais savoir si une personne ment sur le prophète عليه الصلاة والسلام ou en disant c'est un hadith taïf alors qu'ils savent la vérité de quelle catégorie cette personne fait partie فاسقون etc. بارك الله فيك مهاجر فيك بارك الله مهاجر مدينة فيك بارك الله. Pour répondre à ta question, Akhi Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kadaba aliya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Dans un autre hadith rapporté par Ahmed et authentifié par l'Albani, il a dit quelque chose de plus grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Car le premier a dit quiconque ment sur moi, qu'il attende sa place en enfer. Mais le deuxième hadith, c'est le Bukhari. Mais le deuxième hadith rapporté par Ahmed et authentifié par l'Albani est plus grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man qala aliya, ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu min nar. Le deuxième hadith est plus grave. Il n'a pas dit s'il ment. Il a dit quiconque dit de moi, subhanallah al-adim, quelque chose que je n'ai pas dit, qu'il attend sa place en enfer. Donc, avant de dire quelque chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit être, comme je disais, très sûr. On doit être, comme je disais, très sûr. Donc quiconque ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se divise en deux groupes. Ou bien tu mens et tu sais que yani c'est haram, tu dis ça, il ne faut pas mentir, etc. Mais moi je mens pour arriver à telle chose ou telle chose. Celui-là c'est un fasiq. C'est un fasiq et l'un des plus grands pervers. Mais si maintenant il dit non, moi je mens et c'est halal, c'est pas haram de mentir sur le prophète, celui-là c'est un kafir. Donc il faut faire la différence entre celui qui est kafir et celui qui est fasiq. Et s'il est fasiq, même le fisq, c'est des degrés, c'est le plus grand fasiq. C'est le plus grand fasiq. Pourquoi? Parce qu'il va égarer les gens. Wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala alam. Bilal salafi tafadhal barakallahu fik. Muhajir Madina a dit fasiq égale corrupteur. Moi je ne sais pas et je n'en suis pas très sûr. Je sais que quelqu'un est fasiq, c'est un pervers qui est fasiq. Car corrupteur, peut-être c'est quelqu'un qui fait de la corruption seulement. Peut-être qu'il fait de la corruption. La corruption, c'est donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il se fasse passer des trucs, etc. Wallahu ta'ala, il sème la corruption, peut-être, peut-être, naam. Wallahu ta'ala alam. Monsieur, vous avez vos questions pour qu'on aille respecter les choses autres. Jazakum Allahu khairan, akhana tamallah, naam. Vous voyez combien il y a de gens, mashallah, qui attendent et qui sont tous assoiffés pour connaître. Barakallahu fikum, choisissez une question, posez-la. On est toujours, inshallah ta'ala, avec vous. Vous la posez, inshallah ta'ala, pour la fois passée, inshallah ta'ala. Bilal, اتفضل ان شاء الله. نعم selon la compréhension des salaf salah صح. Je te dis pourquoi je n'ai pas parlé de cela. Normalement j'aurais dû en parler. Normalement, j'aurais dû en parler, car comprendre le Coran et la Sunna, sans dire salaf salah, c'est on peut être égaré. C'est pour ça que il était préférable, inshallah ta'ala, que tu m'aurais dit cela pendant le dars. Mais je n'ai pas dit cela aussi, premièrement parce que j'ai oublié, deuxièmement, je ne sais pas pourquoi dans mon cœur, je sens que si c'est comme si j'étais en train de parler aux salafiyens et salafiyettes. Moi, je me dis dans mon cœur que ceux qui sont dans la salle, inshallah ta'ala, sont des salafiyouns et des salafiyettes. Nam, Bilal, une chose pareille, barakallahu fik, il faut me prévenir, afin que, inshallah ta'ala, il yani, soit yani, moufid, inshallah ta'ala. Jazakallahu khairan, ou barakallahu fik. أبو عبد الرحمن تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. Excusez-moi, ma question n'a rien à voir avec le cours. Je voulais savoir ce qui est permis de sacrifier deux animaux femelles brebis pour une aqiqa au lieu de deux moutons. Je voudrais savoir est-ce qu'il est permis de sacrifier deux animaux femelle brebis pour une aqiqa au lieu de deux moutons. Inch'Allah ta'ala, beaucoup de ulama ont dit c'est permis, surtout pour celui qui n'a pas les moyens. Quiconque a les moyens, il doit choisir quoi? Il doit choisir le mouton. Mais beaucoup de ulama ont dit la brebis aussi elle est valable, car elle est valable aussi le jour de l'Aïd. Hein, le jour de l'Aïd, la brebis est valable dans quelque chose d'obligatoire, comment ne serait-elle pas valable dans quelque chose qui est sunna. Mais comme je te disais, s'il peut trouver et a de l'argent pour les deux moutons, ça aurait été mieux. S'il ne peut pas, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala alam. Ibn al-Islam tafadla al-barakallahu. Salam alaikum barakallahu fik pour ta façon. Jazakallahu khair. Question, est-ce que les cheveux longs de la tête est une sunna? Est-il permis de les laisser pousser? Barakallahu fik. Il faut que vous sachiez, Jazakallahu khair ala soual, il faut que vous sachiez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu laisses toi pousser tes cheveux, parce que lui il a laissé pousser ses cheveux, sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, il faut d'abord bien comprendre la sunna, ensuite comprendre est-ce qu'on va le suivre en cette chose ou bien pas. Il y a à peu près ça, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se divise à peu près en 5 catégories. L'une d'elles, quand il fait des choses, yani, sans que lui, sallallahu alayhi wa sallam, il les attache avec le din. Par exemple, il a laissé pousser ses cheveux. Par exemple, quand il dormait par exemple sur un tapis, par exemple, hein, quand il s'habillait, voilà de coutume. Il y a la coutume, et il y a le djibillah, il y a 5. Coutume, djibillah, teshahi, ensuite ibadat. Quand il fait quelque chose qui est de coutume, par exemple, je te donne un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, sa façon de s'habiller autrefois. sa façon de s'habiller autrefois. Les ulama ont dit, Cheikh Ibn Uthaymeenah a dit, si tu veux le suivre, ça veut dire, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est habillé de la même façon que son qawm dans lequel il vivait, sa nation, les gens avec lesquels il vivait, il s'est habillé, sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon que, avec des détails, par exemple, qu'il ne mettait pas la chose au-dessus des chevilles, et qu'il ne s'habillait pas, par exemple, avec le satin, des choses comme ça, des détails. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, donc toi, tu t'habilles d'après les gens avec lesquels tu vis, si ce sont des gens musulmans. Tu vas dans un pays, par exemple, c'est un pays de musulmans, par exemple, ils ont l'habitude, par exemple, de s'habiller, par exemple, avec comme ça, une cape, par exemple. Si tu veux faire comme eux, ça, il le Cheikh Ibn Uthaymeen, tu as fait la sunnah. Car si tu vas mettre le qamis en plein cela, tu vas attirer l'attention, tu vas être dans un libas shuhra. Tu vas être dans un libas shuhra où tu passes, on va commencer à te voir. Mais si tu es dans un pays kafir, ça c'est autre chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a laissé pousser les cheveux, est-ce qu'il avait l'intention de quelque chose? Il n'avait pas. Il n'avait pas l'intention de quelque chose. Surtout si se pousser les cheveux, c'est devenu par exemple une mode. C'est devenu une mode, par exemple, chez certains gens. Donc là, de préférence, il ne faut pas la faire. Parce que les gens vont croire que tu es en train de suivre la mode, par exemple, si c'est devenu une mode. Ou bien, c'est devenu, par exemple, un repère chez certains gens ou chez les gens pour dire qu'il ressemble à la femme. Parce qu'autrefois, quand tu poussais les cheveux, c'était comme l'homme et la femme, la même chose. Il n'y avait aucune différence. Ensuite, ça a changé. Ça a devenu quiconque. Il a se poussé les cheveux et s'est fait ressembler à la femme. Donc de préférence ici, il ne l'a fait pas, sauf s'il est dans des gens qui, eux tous, par exemple, laissent les cheveux pousser, ils fassent tous cette sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Souleyman, tafadhali, barakallahu fik. Souleyman, jazakallahu khairan, fait des coupures, hein. Pour l'instant, on n'a rien vu sur l'affiche, sur l'écran. Elle a fait des coupures, une ligne de ligne, et tu envoies le texte. Barakallahu fikoum, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose? Peut-être ça s'est affiché chez vous. Moi, j'ai rien ici. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah, barakatou maghfiratou. Tout à l'heure, vous avez parlé des quatre. Naam. Il y a peut-être des quatre choses. Ça a 70 000 qui vont rentrer au paradis. Je crois que c'est cela, Allah Ta'ala. Souleyman, ça s'est arrêté, il n'y a rien. Ça s'est arrêté au chiffre numéro 4, il n'y a rien. Bon, pour ne pas perdre de temps, peut-être que Souleyman a un problème, peut-être qu'elle n'est pas là.